Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission du lundi soir, le calendrier des esclavages et des libérations. Alors, au programme de ce soir, eh bien, le calendrier, bien sûr, les grandes invasions, les Visigoths, les Ariens, les patriarches, etc. René Dumont, futur impossible. Il parlait René Dumont en 1973. Nous sommes en 2022. Eh bien, il avait prévu pas mal de choses, René Dumont. Et puis, bon, on l'a pas beaucoup écouté, hein. Non, alors, déchets nucléaires, la Hague, la mine, l'uranium à Andrea, déchets, Lignac, Soulaine, etc. Voilà. Ségolène Royal, motion de censure. Motion de censure de la NUPES, Cyriel Châtelain. Le 11 novembre, discours du maire de Remiremont. Et puis, bah, une petite revue de presse, hein. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Calendrier des esclavages et des libérations, le 21 novembre. Que s'est-il passé aujourd'hui? 1831, en France, à Lyon, Au petit matin, le commissaire des canuts envoie des troupes de compagnons dans les faubourgs pour faire cesser le travail. Un fabricant demande à un détachement de la garde nationale de, entre guillemets, balayer cette canaille, balayer cette canaille. La garde charge. Les canuts résistent à coups de pierre. Le peloton de garde composé de fabricants ouvre le feu et tue 3 ouvriers. Les canuts occupent le quartier et construisent des barricades. Ils fabriquent des balles avec le plomb des métiers coulés dans des dés à coudre. Le préfet est fait prisonnier. Les canuts ont le dessus. 1918, France. Les troupes du général de Castelnau entrent à Strasbourg. La droite jubile. Elle réclame le retour de l'Alsace à la grande nation française, entre guillemets la grande nation française. Les drapeaux tricolores sont distribués pour l'accueil de l'armée. De Castelnau fait dissoudre les conseils des ouvriers et des soldats. L'ordre est rétabli. Les clivages nationaux brouillent et remplacent les clivages de classe. 1919, Espagne. Grève des ouvriers boulangers à Madrid. 1920, Espagne. À Barcelone, grève générale de protestation contre les mesures prises la veille. 1922, France. Le Sénat réprouve par 156 voix contre 132 le projet de loi sur le vote des femmes. 1922, France, hein? Eh oui, allez. Oh, c'est un pays moderne, la France. Mon, très macronien. 1945, USA, après le mot d'ordre de Walter Reuter, le dirigeant syndical de General Motors, ouvrez vos livres, ce qui signifie étalez vos comptes. 225 000 ouvriers du Trust appartenant à 96 usines commencent une grève de 113 jours. Elle entraînera près de 2 millions de personnes. Pour la première fois, certaines catégories de travailleurs participent à une telle action. Les blouses blanches, les anciens combattants, les classes moyennes. 1947, France. La CGT donne l'ordre d'arrêt total dans la métallurgie. Va-t-on vers la grève générale ? 1972, Corée du Sud. Adoption d'une nouvelle constitution appelée Yushin Renouveau, sous prétexte que le régime le mieux adapté au peuple coréen est la démocratie dirigée, entre guillemets démocratie dirigée. 1985, Vatican, synode extraordinaire pour faire le bilan de Vatican II, 20 ans après la fin de ce concile, remise en ordre, renouveau ou enterrement. Thank you. On va parler beaucoup de religion dans cet épisode, parce que c'est Jésus qui va sauver tout le monde quand même. Je vous rappelle que les Visigoths viennent de tuer l'empereur Valence. Heureusement, il y en a deux, ça aide pas mal pour gérer les successions. Et voilà donc que l'empereur d'Occident, Gratien, est contraint de se choisir un nouveau collègue d'Orient en catastrophe. C'est le général Théodose qui est l'heureux élu, et je peux vous dire qu'il va faire parler de lui. Les Visigoths sont en train de ravager la Thrace, mais c'est pas sa principale préoccupation. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. L'armée d'Occident est trop occupée sur le Rhin et le Danube, et l'armée d'Orient est décimée. Du coup, Théodose cherche d'abord à ressouder le pays. Et pour ça, rien ne vaut la religion. Il y a du boulot. D'abord, l'Empire reste divisé entre chrétiens et païens. Première fracture. Ensuite, au sein même des chrétiens, les Ariens et les Nicéens n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes. Pour remettre de l'ordre dans tout ça, Théodose exploite le fait que tous les Visigoths sont Ariens, parce qu'ils ont tous été convertis par Wulfila. Et comme ils se comportent comme les pires barbares des temps modernes, le prestige des Ariens est en chute libre. En plus, l'empereur Valence était Arien. De là à conclure que Jésus l'a puni pour son hérésie, il n'y a qu'un pas. Les temps sont mûrs pour instaurer une unique religion d'État dans tout l'Empire, et Théodose décide que ça sera le christianisme nicéen. Maintenant, les Ariens et les païens peuvent être traqués sans pitié. C'est le célèbre Édit de Thessalonique qui fonde tout simplement la nouvelle culture de l'Europe pour les deux prochains millénaires. En particulier, il y en a un qui s'en frotte les mains, c'est l'évêque de Rome. Pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, il faut savoir qu'il existe trois super-évêques qu'on appelle les patriarches. Celui de Rome, normal, et ceux d'Antioche et d'Alexandrie. Normal aussi, c'est les deux capitales historiques de l'Orient. Le truc, c'est que ces deux patriarcats n'ont pas arrêté d'osciller entre les Ariens et les Nicéens, alors que le patriarche de Rome, lui, est toujours resté droit dans ses bottes. Du coup, Théodose décide de s'appuyer sur lui pour faire passer sa réforme. Il fait officiellement de l'évêque de Rome le numéro 1, number 1. Et voilà, le premier pape de l'histoire est né. En tout cas, le premier digne de ce nom. Et dans le même temps, Théodose instaure un quatrième patriarche à Constantinople pour faire contrepoids. On devine ce qui va suivre. Avec la séparation de l'Orient et de l'Occident, la rivalité entre les deux pontifes ne va faire que s'amplifier. En Occident, les papophiles deviendront les catholiques, et en Orient, leurs rivaux deviendront les orthodoxes. On est au point de départ de cette scission historique. Pendant ce temps-là, faudrait surtout pas oublier nos Visigoths. Plusieurs années ont passé et Théodose a eu le temps de rassembler de nouvelles forces. Les Romains finissent par reprendre le dessus, ce qui prouve par A plus B que Jésus est satisfait des nouvelles réformes. Un traité de paix est trouvé. Les Visigoths sont invités à regagner la province de Mésie qui borde le Danube et à défendre la frontière pour le compte des Romains. Retour à la case départ. Mais ces années de marasme n'auront pas servi à rien. Théodose comprend qu'il doit les bichonner pour empêcher toute révolte future. Et pour ça, il leur laisse fonder un royaume visigoth à part entière sur le sol romain. Alors c'est encore un peu hybride, hein, puisque les Romains continueront de vivre sous la loi romaine. Deux États pour un même territoire. L'Empire romain est en train d'amorcer son émiettement. Heureusement, l'Orient va pouvoir enfin souffler. Plus au nord, le chef des Huns est mort et ses fils ont un mal fou à pacifier les Ostrogoths. La première vague de migration est terminée. C'est pas le moment de sourire. Dans la foulée, c'est l'Occident qui s'apprête à plonger. Il est temps de mouiller les maillots. Nous allons appeler maintenant Pierre Uri, qui est le témoin surprise et secret de ce soir, et qui probablement a des choses à vous dire, monsieur Dumont. Eh bien, cher Dumont, moi, je ne vous chicanerai pas sur des détails. Et je dois dire que J'aime votre faculté d'indignation et votre faculté d'enthousiasme. Seulement, dans votre livre, vous nous proposez des transformations absolument totales. Un arrêt dans la croissance de la population, même là où elle est le moins rapide. Une transformation dans les conditions de l'urbanisation, dans les conditions des transports, dans l'utilisation des ressources et dans la répartition des biens. Alors, tout cela pose vraiment deux questions qui me paraissent majeures. La première, par où commencer ? Car, dans une certaine mesure, quand vous voulez en particulier transformer les hommes à travers leur éducation, c'est une affaire qui prend du temps, qui prend au moins une génération, même si nous pouvions le faire assez vite. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas davantage d'urgence ? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction entre cette urgence que vous soulignez avec le Club de Rome et avec ces délais qu'il faut pour la transformation des hommes ? Et la deuxième question, vous envisagez des organisations très globales. Bien sûr, tout cela, vous avez dit que c'est une utopie. Seulement, il y a un problème qui reste fondamentalement posé. Comment réussirons-nous cette organisation en préservant la liberté ? Il est bien évident que je n'ai pas la prétention dans mon livre de résoudre les problèmes mondiaux tels qu'ils se présentent dans leur ensemble. Il est bien évident qu'il y a dans mon livre des contradictions. Il est bien évident qu'après mon livre, il reste des difficultés. Il est bien évident qu'il restera toujours des difficultés, heureusement pour nos arrière-petits-enfants, qui auront leurs difficultés, donc pour qui la vie présentera de l'intérêt. J'ai voulu attirer l'attention sur les injustices croissantes à l'échelle mondiale qui, si elles se prolongent, risquent d'attirer des catastrophes mondiales. Je crois que sur un certain nombre de points, vous avez bien raison d'attirer l'attention. Mais là où je suis assez inquiet, si vous voulez, dans votre livre, c'est sur la solution, finalement, que vous proposez, comme vient de le dire Pierre Hury. Au fond, vous préconisez une planification centralisée de l'emploi des ressources. Bon. Alors, est-ce que vous croyez que c'est la bonne solution, ça ? Je dis attention au gouvernement mondial. Centralisation de l'allocation des ressources rares, mais décentralisation de l'ensemble des décisions et de gestion de l'économie. Pierre Hury a également demandé, et la liberté ? Il est bien évident que la liberté doit être protégée, mais pas la liberté des riches. Actuellement, c'est la seule qui peut s'exercer pleinement. Je demande la liberté pour tous. Donc, plus de une meilleure répartition des biens, sans lesquels la liberté n'a pas de valeur. Est-ce que vous accepteriez la qualification de révolutionnaire ? Peut-être. Pour tous les pays ou pour certains pays ? Pour, au moins, pour les pays du tiers-monde. Monsieur le professeur, vous avez proposé une révolution qui est un changement d'équilibre dans le monde. Vous proposez aux pays développés d'arrêter la croissance de la population, d'abandonner tous leurs armements. À partir de là, vous changez l'équilibre entre le tiers-monde et les pays développés, puisque le tiers-monde est le plus peuplé. Alors la question ? Et la question, quel profit peut tirer le tiers-monde du fait qu'il deviendrait de cette façon, je dirais, la première puissance mondiale ? S'il s'entend. S'il s'entend. Naturellement, et ils ne s'entendront jamais, mais quoi que je leur conseille de s'entendre. Non, ce qu'il faut conseiller à nos amis du tiers-monde, c'est de compter d'abord sur leurs propres forces et non pas de compter sur l'aide extérieure. Vous proposez une utopie qui est quelque chose de global et qui est une révolution, pour ainsi dire, totale. Est-ce que vous croyez que j'ai trouvé la solution de tous les problèmes mondiaux ? Mais je vous demande, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux préconiser comme méthode d'attaque des problèmes, prenez-les les uns après les autres ? Quelque chose de très bien dans votre, que je trouvais très bien dans votre livre, il faudrait que naisse dans les pays développés une sorte de tiers-mondisme. Bon, eh bien, qu'il y ait des associations, qu'il y ait des gens qui se préoccupent d'un problème précis. Mais si vous voulez, comme le disait tout à l'heure, tout révolutionner, alors là, les bras vous en tombent. Même dans le détail. Non, mais il est bien évident que je ne réussirai pas à tout révolutionner, mais je voudrais hâter, chez les jeunes spécialement, qui sont de plus en plus dégoûtés de notre monde, la prise de conscience de quelque chose est à faire, autre chose que leur révolte et leur contestation. Quelque chose est à construire. Et je voudrais les aider à construire. Et alors, quel conseil vous leur donneriez ? Par exemple, d'aller s'isoler dans les Vosges ou à Ibiza et d'organiser de petites communes indépendantes et autarciques ? Non, je leur conseille d'étudier les problèmes du tiers-monde, d'aller dans le tiers-monde, de travailler avec les gens du tiers-monde et d'en revenir pour nous dire, à l'ensemble de l'opinion publique des pays riches, la gravité de la situation. Ne croyez-vous pas que ce qui nous manque le plus, finalement, c'est de savoir imaginer autre chose d'heureux que notre société actuelle? Et tout ce que vous pouvez, c'est dire, il faut arrêter. Mais au fond, on pourrait être très heureux autrement, et c'est peut-être ce qui manque dans votre livre. Je pense qu'à la fin, je parle de l'amour de la nature et de la vie en contact avec cette nature qui est un facteur de bonheur. Je pense à la possibilité, dans la civilisation que j'évoque à très grands traits et évidemment d'une façon très insuffisante, j'évoque une possibilité de vivre en petite communauté dans laquelle on pourrait s'épanouir, à condition que cet épanouissement ne soit pas comme aujourd'hui l'épanouissement individuel par la richesse, mais dans le service de la communauté. L'État n'est-il déjà pas une communauté? Vous paraissez le nier. Non, une communauté extrêmement vaste. Je parle de fédération de communautés successives. Vous nous dites, avons-nous le droit de jouer sur des paris, l'avenir de l'humanité? Mais ce que vous nous proposez, c'est un pari. Enfin, je propose un pari que j'estime plus prudent que ce que nous propose la civilisation actuelle. Écoutez, bientôt, les étudiants vont peut-être être en vacances. Ils vont avoir 3 ou 4 mois de vacances, selon qu'ils sont lycéens ou étudiants. Qu'est-ce que vous leur proposez, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire de plus utile pendant ces 3 ou 4 mois? Eh bien, je leur propose d'être les uns ouvriers, les autres paysans, d'aller travailler soit en France, soit dans les pays du tiers-monde pour être en contact avec la vie réelle. Cette proposition, d'ailleurs, un certain nombre de mes élèves de l'agro sont en train de la réaliser. Vous n'avez pas peur qu'on vous prenne pour un naïf ou un hurluberlu, certains l'ont dit? Oh, naïf, ça je l'ai toujours été, je le serai toujours, je mourrai naïf, il n'y a pas de question. Ce que vous voulez, c'est que nous découvrions un autre bonheur, ce qu'on appelle une autre croissance. En fait, il faut dire un autre bonheur. Et pour mettre un terme au malheur du tiers-monde, pour vous, c'est deux problèmes liés. Oui. Le bonheur que nous recherchons n'est compatible qu'avec le malheur des autres. C'est votre... Oui, que vous pensez. Et je pense qu'un bonheur n'est réel, n'est réalisable que s'il est à l'échelle mondiale. Et notre bonheur actuellement, c'est celui d'une minorité privilégiée abusive. Est-ce que vous arrivez à être heureux, vous qui dénoncez, qui annoncez tant de catastrophes? Oui, j'arrive à être. Vous faites partie de la minorité privilégiée. J'arrive à être heureux si, à chaque pas, je dénonce mes privilèges. Comment allez-vous regagner votre appartement, votre maison de campagne? Eh bien, je vais reprendre le métro Alma-Marceau jusqu'à la station Nation, et là, je prendrai le RER qui me conduira à la gare de Fontenay, et de là à pied. Et vous avez laissé votre voiture dans votre parking, dans votre garage, peut-être? J'ai laissé la voiture dans le garage, mais cette voiture me sert de moins en moins. Depuis que j'écris ce livre, il est bien évident qu'il faut que je mette, dans une certaine mesure, parce que nous sommes tous des compromis, mes actes avec mes écrits. Monsieur le professeur, merci. Prévoir les catastrophes pour savoir les éviter. Une fois avertis, les hommes seront peut-être plus forts. Et comme le disait la semaine dernière ici même, monsieur l'ambassadeur d'Israël Ben Nathan, le temps ne joue pour personne, ce sont les hommes qui travaillent. Et ils ont de quoi faire, vous l'avez montré ce soir. Merci René Dumont, merci messieurs d'avoir participé à cette discussion assez vive, controversée, mais toujours courtoise, comme c'est l'habitude au cours de cette émission d'Actuel 2. Lundi prochain, Actuel 2 à la même heure, 20h35, avec un autre invité, un autre dossier, un autre témoin surprise. Merci, monsieur Pierre Hury. Merci de votre fidélité. Bonsoir. Actuel 2, émission de mai 73 avec René Dumont, à qui Jean-Pierre Elkanach demande à la fin comment il va rentrer chez lui, question qui est souvent posée aujourd'hui dans les émissions politiques, dans les émissions de débat, mais assez rarement, je pense, il y a 50 ans, avec nous le journaliste François de Closet, qu'on vient de voir sur le plateau à l'époque, et l'agronome Marc Dufumier. Agnès Chauveau de l'INA nous a rejoint. Bonjour Agnès. Bonjour Patrick. Marc Dufumier, quelques mots sur la personnalité de René Dumont. Il est né en 1904 à Cambrai, c'est un agronome de formation, et ses convictions se sont forgées au fil des ans à parcourir le tiers-monde. C'est un grand spécialiste au départ de l'agriculture du tiers-monde. Oui, il a commencé dans le delta du Tonkin, hein, donc c'était son première affectation. Et il a effectivement beaucoup travaillé. C'était vraiment un homme de terrain qui théorisait assez peu, mais qui quand même essayait de trouver des conclusions et des solutions à des problèmes concrets de terrain. À la fois sur le plan agronomique, est-il possible de permettre à ces populations de s'en sortir par elles-mêmes, hein. Donc il n'était pas pour l'assistanat, je crois que ça apparaît très clairement dans le document. Et la question était bien celle-là, comment on pourrait, dans les différents lieux, tenir compte des conditions locales, agroécologiques, socio-économiques, pour que les gens puissent s'en tirer par le mieux. Et vous l'avez qualifié tout à l'heure de lanceur d'alerte, c'est d'abord un lanceur d'alerte sur la situation des pays les plus pauvres. L'Afrique noire est mal partie, c'est un livre qui dans les années 62 a eu un très grand retentissement. Et puis ensuite, il a élargi sa réflexion à l'ensemble de la planète et de l'humanité, on peut le dire comme ça. Oui, il a écrit aussi « Nous allons à la famine » en 66. Hein. Donc c'était un peu déjà lanceur d'alerte, avant même l'utopie et la mort, 73. Ce qui frappe aussi François de Closet dans l'originalité de sa pensée, c'est qu'il prône une planification au niveau mondial. Il pense que l'humanité ne s'en sortira qu'en essayant de globaliser, de planifier la répartition de ses ressources. Le problème qu'a eu depuis le début, la pensée écologique, c'est qu'elle a voulu marier, je le comprends, l'idéal pour la nature, l'idéal pour la société. Alors notre idéal pour la société, ça semble être une société égalitaire. L'idéal pour la nature, c'est qu'on l'homme ne s'appuie pas trop sur la nature. Mais si vous faites réellement une démocratie, que vous demandez réellement aux gens, qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous voulez ça? Mais vous ravagez à tous les coups la nature. Et malheureusement, je le voudrais bien, mais il n'y a pas la relation que l'on dit entre un idéal social d'égalité et un idéal de consommation raisonnable de la nature. Je crois que l'homme, malheureusement, n'est pas raisonnable. Et donc, dans les pays socialistes, on a assisté à des dégâts écologiques absolument comme dans les pays capitalistes. C'est la civilisation industrielle qui est en cause. La civilisation industrielle et pas tel ou tel système politique. Ce qui est drôle, c'est que c'est une objection que vous avez faite à René Dumont il y a 50 ans, et d'ailleurs vous visez assez juste quand vous lui dites « mais tous les peuples aspirent à un standard de vie supérieur, et même les Chinois que vous prenez en modèle, et lui vous dit « non, pas les Chinois, il ne faudrait pas que les Chinois aient le standard de vie des Américains ou des Européens ». Et ils l'ont, et on voit le résultat. Et vous savez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que là, il faut bien situer, on est donc à 3 ou 6 mois du premier choc pétrolier. Hein. On est avant le premier choc pétrolier. Alors si vous reprenez toute l'histoire, vers la fin des années 60, il y a des lanceurs d'alerte. Tout ce qu'ils disent est vrai, à terme. Tout le monde le voit, et on y est. Mais il est vrai, la seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est qu'ils en font trop. C'est que pour eux, pour Dumont aussi, c'est la catastrophe, la famine, l'effondrement de la société industrielle pratiquement à la fin du siècle. Or, ils n'ont pas, à mon avis, justement analysé les ressources du progrès technique, de l'innovation, pour permettre de continuer ce système. Mais de le continuer pendant un temps déterminé. De reculer l'échéance, vous reculez, ne changez rien au fait que, de toute façon, à la fin, on va dans le mur. Marc Dufumier. Je crois qu'on a beaucoup progressé, y compris qu'on s'inspire de l'enseignement de René Dumont. Qu'est-ce que l'on peut voir? D'abord, c'est vrai qu'au niveau de la gouvernance mondiale, alors il y a quelques petits progrès, si on dit l'OMC, si on dit... Mais il faudrait que les négociations sur les échanges agricoles internationaux soient couplés avec des négociations sur les mouvements migratoires et sur, évidemment, l'effet de serre. Séparer toujours la COP21, c'est l'environnement, l'OMC, c'est les échanges agricoles, et ne pas voir qu'il y a des liens entre tout ça, c'est une très très grave erreur. Mais on peut encore progresser. Mais c'est vrai quand même que l'idée, progressivement, alors est-ce que la gouvernance mondiale, est-ce que c'était un G7, un G8, un G30, un G20, je vois bien des énormes difficultés, mais de là à dire qu'il ne faudrait pas essayer de progresser, ce serait quand même dramatique. Oui, surtout le malheur, voilà, surtout, prophète de malheur, on a le droit, mais le vouloir, pas du tout. Et alors, dans les leçons aussi, quand même, de René Dumont, il avait beaucoup travaillé sur l'Amérique latine, et pour parler des sociétés égalitaires et de la relation avec la nature, c'est-à-dire le social et la nature, alors là, il est clair que c'est les formes d'agriculture familiale, d'agriculteurs qui travaillent pour leur propre compte, et non pas des capitalistes qui investissent du capital pour maximiser un taux de profit comme les grands latifundiaires brésiliens, et que quand prédomine une agriculture familiale, quand a eu lieu des réformes agraires, prenez Taïwan, prenez la Corée du Sud, les premiers pays du tiers-monde à s'être industrialisés, c'est après des réformes agraires radicales. On avait distribué la terre de façon très égalitaire. Donc il y a quand même des fois où on parvient, cher monsieur, à concilier des impératifs sociaux et des impératifs écologiques. Oui, il n'y aura pas de solutions écologiques sans justice sociale. Mais par contre, oui, les réformes agraires, moi j'ai travaillé au Nicaragua, au Salvador, etc. J'ai vu les guerres civiles que ça engendrait. Oui, il y a quand même des gens en face, hein, qui vraiment ne souhaitent pas du tout qu'on change la société. Mais justement, et qu'est-ce qu'ils sont terribles, ces gens-là. Ils font beaucoup de tort. Hein. On a un ordre social, et un ordre social qu'on a coulé dans le béton. Quand vous voyez, si vous voulez, mais qu'on a coulé dans le béton, quand vous voyez aujourd'hui ces gens qui vous disent « Mais écoutez, je peux pas me payer mon essence et j'ai 100 kilomètres à faire tous les jours pour aller travailler. » Et donc ils disent, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « Il faut que l'État paye. » C'est-à-dire que moi, je puisse toujours consommer autant. Or, le but de la taxe carbone que demandent tous les mouvements écologistes, et à juste titre, bien sûr qu'il faut que le carbone coûte plus cher, mais le but, c'est qu'on consomme moins. Le but, c'est qu'on utilise moins sa voiture. Et ça, aujourd'hui, alors que nous voyons, hein, c'est plus comme en 1970, on le voit, la catastrophe, la climatologie a investi la météorologie, on l'a sur la tête, la catastrophe. Bon, on va quand même pas attendre. Eh bien, même pour les gens, il est entendu que le prix de l'essence doit être bas pour que tout le monde puisse utiliser sa voiture. Et c'est vrai qu'on a créé des conditions pour que les gens aient besoin de leur voiture. Donc, il faudra changer ces conditions, casser le béton, pour que les gens puissent travailler près de chez eux, consommer près de chez eux, et ne pas avoir besoin à tout moment de sauter dans leur voiture. Si vous faites abstraction de ça, et vous dites, il n'y a qu'à décider que maintenant, on prendra plus sa voiture, non mais, tout va exploser. Alors là aussi, c'est drôle qu'on ait ce débat aujourd'hui. Il est évidemment d'actualité, mais on vient d'entendre longuement René Dumont militant radicalement anti-voiture à une époque où c'était pas tellement à la mode et où chacun était content de pouvoir être autonome dans son petit véhicule. Lui, il avait ce combat au cœur. Oui, Sauvy aussi. Oui. Et il n'était pas Yaka Faucon. C'est-à-dire, il cherchait quand même des solutions. Oui. Et aujourd'hui, je dirais, par rapport à la taxe carbone, il va de soi que si on met une taxe carbone pour des gens qui ont leur véhicule comme déplacement contraint, enfin comme seule façon de pouvoir se mobiliser, parce que loin des transports en commun, loin des lieux de travail, c'est évident que ce n'est pas acceptable. Mais maintenant, imaginez comment le prix du pétrole ait été au plus bas. Nous ayons mis des taxes sur les engrais azotés de synthèse, très coûteux en gaz naturel russe, hein, j'insiste beaucoup, très émetteurs de protoxyde d'azote, très contributeurs au réchauffement climatique. Et qu'avec ce malus, on ait financé les légumineuses dans nos champs, hein, nous évitant d'importer du soja transgénique du Brésil, enfin des Amériques et autre chose, et fertilisant les sols en azote par la voie biologique, nous évitant les engrais azotés de synthèse. Donc, ce serait pas une taxe pour le plaisir de taxer, ce serait un malus bonus, ce serait une politique des prix, dans les rapports des prix, les agriculteurs auraient été incités à remettre des trèfles, des luzernes, des sainfoins, des lotiers, des lupins, etc. dans leurs champs, et utiliser moins d'engrais azotés de synthèse. On n'en serait pas à la situation aujourd'hui extrêmement dépendante. Donc, il y a des solutions politiques. Je peux vous dire que dans Science et Avenir, au cours de ces années, je me souviens d'avoir écrit des articles sur le lupin que l'on devait utiliser pour avoir des ressources de protéines, etc., et ne pas importer massivement le soja transgénique. Je les ai fait, ces articles. Apparemment, la solution était possible, mais le système, parce qu'il y a le système de notre béton en France, puis il y a le système mondial dans lequel on est pris, fait que on n'arrive pas, c'est dramatique, c'est épouvantable, on n'arrive pas à faire des solutions. Agnès Chauveau, lorsque René Dumont est reçu chez Jean-Pierre Alcabache, ce jour-là, les Français le connaissent un peu, ils l'ont déjà vu ou ils ont entendu parler de lui. Oui, parce que c'est un auteur prolixe et en 1973, il a déjà une vingtaine de publications à son actif. Et puis, il a découvert que la télévision était un moyen assez efficace pour faire passer ses idées. Ça fait 10 ans qu'on le voit dans diverses émissions du petit écran. Et il ne se refuse pas, parfois, à certaines mises en scène. On a retrouvé une archive incroyable, l'émission, la fameuse émission Zoom, le grand magazine d'information de 1968, où il se met en scène, il y a un peu une graine de star chez René Dumont déjà. On le voit partir en Afrique et dire au revoir à sa femme. Regardez, c'est un moment assez émouvant. Certes, la France est de tous les pays du monde celui qui donne le plus en pourcentage du revenu national. Il est également vrai que son aide, tout comme celle des autres pays riches, diminue régulièrement, alors que résonnent encore ces paroles de Mme Indira Gandhi, prononcées à l'ouverture de la deuxième conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Il n'est pas possible que la misère soit le destin de la plus grande partie de la race humaine. Monsieur Dumont, comment tout cela a-t-il commencé pour vous ? Ah, c'est étonnant, c'est vrai que ces images contrastent avec ce qu'on a vu tout à l'heure à Actuel 2. Oui, il faut dire que pour la plupart des téléspectateurs français, en 1973, René Dumont est quand même un savant, un expert, un agronome, qui a souvent le nez dans ses notes et dans ses chiffres, qui par ailleurs use d'un certain vocabulaire. Enfin, c'est d'abord un scientifique. Ce n'est pas encore une star et il n'a pas encore développé tout son marketing politique. Le changement, c'est la campagne de 1974, donc quelques mois après, enfin un an plus tard, où René Dumont se révèle. Alors là, effectivement, du savant en fait au politique, René Dumont a compris qu'il fallait qu'il incarne un vrai personnage. Donc pendant la campagne de 1974, il va parcourir les routes de France, alors en deux chevaux, dans des meetings à ciel ouvert, et puis également sur les petites routes en vélo. Regardez, on a aussi retrouvé quelques images. Quelques minutes pour se relaxer d'une façon tout à fait écologique avant d'animer un meeting champêtre à Port-la-Forêt, lieu prévu pour l'implantation d'une marina. Et ensuite, la traditionnelle promenade à vélo, moyen de transport dont il a fait, on le sait, son arme symbolique favorite. La voiture, ça pue, ça pollue, ça rend con. La voiture, ça pue, ça pollue, ça rend con, voilà. Il a le sens de la formule. Ah, on a retenu ça, oui. Ça ne fait aucun doute. Et d'ailleurs, il va développer une sorte de marketing du discours apocalyptique qui va vraiment faire recette dans les médias. Alors évidemment, le moment clé de la campagne de 1974, on le connaît, c'est au moment où il revêt son pullover rouge et qu'il a son verre d'eau, et une façon d'alerter les citoyens sur le manque d'eau à venir. C'est une image qui va devenir une image culte et qui, d'une certaine façon, correspond un peu à la naissance de l'écologie politique, et puis fait rentrer aussi la communication politique dans le domaine du spectacle. Il ne recueille que 1,3% des voix, ce qui n'est pas beaucoup, même si c'est un petit peu plus que Jean-Marie Le Pen pour sa première candidature. Mais il va rester une référence. Oui, il va rester une référence, surtout qu'il va réussir à ne pas se laisser enfermer dans l'image du père de l'écologie. Il va aussi réussir à rester un peu à l'écart, tout de même, de toutes les dissensions des Verts, de toute la politique politicienne. Et désormais, il va toujours revêtu de son pullover rouge. Alors, il change de pullover, mais le pullover est toujours rouge. Il va multiplier les coups de gueule, il va multiplier les alertes sur les transformations climatiques, sur le désastre écologique. Et en fait, il va vraiment avoir revêtir une posture d'éternel combattant, une posture d'éternel indigné qui fait que il va devenir une véritable figure de l'écologie politique. Marc Dufumier ? Sur sa personnalité, sur la façon dont il a incarné ses combats pour le grand public, et notamment à la télévision. Oui, oui. Alors, le René Dumont écologiste était resté encore tiers-mondiste, hein, faut être clair. Il voulait surtout jumeler les deux. Il y a des combats pour la justice sociale, il y a des combats pour l'écologie. Le jour des funérailles, pour être très honnête, j'ai qualifié effectivement de René Dumont d'iconoclaste. Effectivement. Il l'était. On va parler à présent du dérèglement climatique, et avant de basculer vers le deuxième document de cette émission, j'ai été très surpris, et peut-être vous-même, d'entendre une allusion dans Actuel 2, c'est l'économiste Pierre Uri, qui très rapidement, mais ça n'est pas débattu et ça n'est pas relevé par René Dumont lui-même, qui lance à l'invité, vous pronostiquez la fonte de la calotte glaciaire, c'est ridicule, ça n'arrivera pas, quelque chose comme ça. Je pense que c'est dans les écrits de René Dumont, il a prévu, anticipé ou dit à ce moment-là qu'il y avait un risque de réchauffement climatique, Marc Dufumier ? Oui, très tôt, hein, il a annoncé, enfin, il n'en parlait pas beaucoup, hein, quand même, à l'époque, 73, hein, un peu, quelques années après, il en parlait davantage, mais oui, il a été un des premiers, je pense, c'est de côtoyer Lester Brown, je crois, qui est le premier agroéconomiste américain qui l'avait un peu alerté sur ces questions-là. Et tout de même, il faut dire qu'à cette époque, donc on est juste avant le premier choc pétrolier, il faut bien situer les choses, et depuis plusieurs années déjà, la croissance, la société de consommation, la croissance à tout va, tout ça est en question. Et il y a eu ce fameux rapport halte à la croissance qui a fait énormément discuter. Hein. C'est le Club de Rome. Hein. Le Club de Rome, le rapport Meadows, etc. Là, on commence à s'interroger. Et on est juste à la veille où on va se prendre le choc pétrolier sur la tête. On va être tellement tétanisé qu'on va dire... Alors là, c'est foutu, ça y est, la société industrielle, on peut plus, on s'arrête. Et on va avoir, peut-être 6 mois, 1 an, complètement incroyable, où on va dire, attention, il faut apprendre la sobriété. Moi, je venais au journal télévisé, et puis alors, eh ben, chez soi, faudra apprendre à avoir des pullovers et à mettre le chauffage à 15-16 degrés, et puis il faudra prendre des douches, il faudra plus prendre de bain, et puis la géothermie, et puis tout ça. Et ça a duré un moment parce que le prix du pétrole était cher, et puis le prix du pétrole s'est effondré, et hop, on a tout oublié. C'est effrayant. Thank you. Le charbon, c'est noir, ça fait des cendres et de la poussière. C'est sale. Le pétrole, c'est gras, ça pue et ça vient de chez les métèques pouilleux. Le nucléaire, au moins, ça ne fume pas, n'a pas d'odeur, ne fait pas de bruit. Les centrales seront les cathédrales de notre siècle. C'était le lendemain que les gendarmes sont venus afficher sous la place une grande affiche en disant que l'Andra pouvait rentrer partout. Dans les maisons ou partout? Dans les maisons, dans les terrains. Il avait l'autorisation de rentrer partout. Ah oui. Bon, j'ai dit, ben, faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas dans 15 jours, c'est tout de suite. Fallait que ça se fasse aussitôt. Moi, j'ai dit, je ne vois qu'une chose qu'on peut faire, comme ça, brûle pour point, c'est que demain matin à 8 heures, personne ne peut rentrer à Lignac. On borde toutes les routes. Ah oui, on va faire des petits aussi. Hein? Toutes les routes autour de Lignac. Bon, il y en avait 7. Alors, j'ai dit, ben, c'est pas le tout pour borer les routes. Faut des tracteurs. J'ai dit, ben oui, mais j'ai dit, pour barrer cette route, faut au moins 25 tracteurs. Le lendemain matin, il y avait 52 tracteurs. Là, il y avait des paysans de Chaillac aussi. Pour bloquer les gens de l'Andra qui devaient venir poser leur pancarte. Ah ben non, pour bloquer tout le monde. Bloquer tout le monde. Il n'y avait que le médecin et les pompiers qui pouvaient passer. Les gendarmes n'avaient pas le droit de passer. On avait une affiche qu'on mettait sur les tracteurs en tête, la terre de nos aïeux est propre, nous voulons la transmettre sans reproche, comme les Indiens. Ce témoignage de Pierre Poupry, 90 ans, ancien paysan dans l'Indre, de nombreuses et de nombreux autres comme lui pourraient faire le même. Depuis 40 ans, partout en France, l'industrie nucléaire a cherché des terres à maudire pour y stocker éternellement ses déchets radioactifs. Tandis que les piscines d'entreposage de la Hague débordent et que l'État s'apprête à déclarer d'utilité publique le projet d'enfouissement à Bure, nous avons estimé qu'il était urgent de rappeler la réalité dont plus personne ne parle. Les Françaises et les Français n'ont jamais consenti aux centrales nucléaires et encore moins à leurs déchets. La preuve, partout où la nucléocratie a cherché à s'installer, les populations rurales se sont massivement soulevées contre l'arrivée des rebuts de l'atome dans leur contrée. C'est cette histoire, notre histoire à toutes et tous, dont nous avons cherché à reconstituer le récit depuis le point de vue de celles et ceux qui ont lutté. Dans un pays colonial où le pouvoir des communicants n'a d'égal que celui des ingénieurs, ce récit constitue à nos yeux une pièce historique essentielle dans les débats technocratiques hors sol sur la poursuite du nucléaire. C'était inéluctable. Les déchets, ils sont inéluctables. Quand vous travaillez avec de la matière radioactive, vous allez contaminer des diverses choses. Et de toute façon, vous pouvez le décontaminer, mais la décontaminer quelque chose, c'est transférer la radioactivité ailleurs. Donc vous n'éliminez pas le problème. Si vous avez contaminé des vêtements, par exemple, vous pouvez les laver pour pouvoir les réutiliser. Mais la contamination qui était sur le vêtement, elle se trouve dans l'eau de lavage. Donc il faut vous dire, qu'est-ce que je fais de cette eau de lavage? Donc des fois on se dit, ça vaut pas le coup de se casser la tête pour récupérer ce truc parce qu'il est trop sale, on va perdre du temps pour le nettoyer, on le considère comme un déchet. Et à partir du moment où vous le mettez comme un déchet, il faut le conditionner. Donc vous avez des... Inévitablement, toutes les industries ont des déchets, toutes. Mais le sujet n'était jamais évoqué? Non, absolument pas. Et le CEA, il ne voulait pas entendre parler des déchets. Moi, j'ai écrit un paquet d'articles sur les déchets. Ils s'en foutaient des déchets. Quand on parlait des déchets, mais ils disaient, mais attendez, on est des pionniers, on construit des trucs, vous nous parlez des déchets. Bon, ouais, il n'y avait aucun groupe de recherche. Il n'y avait aucun... Rien n'était appliqué aux déchets. C'est-à-dire que les déchets qui étaient produits dans les trucs expérimentaux, c'était... C'était un emmerdement et c'est tout. Avec la création du Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, après la Seconde Guerre mondiale, les centres de recherche nucléaire commencent à générer des déchets radioactifs en quantité plus importante. Il n'y avait pas de stockage organisé. Ce n'était pas une préoccupation majeure, mais il y avait déjà des règles. La première était de conditionner les déchets de manière sûre, et la seconde de les entreposer sur les sites du CEA, en attendant la suite des événements. Ce qu'on faisait au CEA, à Saclay, on faisait des coques en béton et les déchets de moyenne activité étaient mis dans ces coques. Des fois, on mettait un revêtement supplémentaire, mais sinon, c'était une coque en béton. Ça devait être des trucs qui faisaient 2 mètres à peu près de hauteur, peut-être 1,40 m de diamètre et puis une dizaine de centimètres d'épaisseur. Donc on mettait les déchets à l'intérieur, on mettait un bouchon en béton et on coulait le béton et on verrouillait tout ça. Et on les entreposait sur un site à Saclay. Mais à un moment donné, le site il a commencé à être complètement pris et la direction de Saclay a décidé de le mettre en face du centre de Saclay sur un terrain qui lui appartenait, qui est sur le village de Saint-Aubin, et ils ont fait simplement une dalle de béton sur ce terrain qui leur appartenait, qui est clôturé, et ils avaient déposé là-dessus ces blocs de béton en les empilant. Et puis il y a eu un hiver plus méchant que les autres, comme il y a une forte teneur en eau la plupart du temps dans les déchets qui étaient conditionnés, certains fûts se sont fissurés. Et à partir du moment où ils sont fissurés, la flotte qui rentre, la neige qui rentre, elle a entraîné de la contamination à l'extérieur. Les déchets de Saint-Aubin sont transférés à La Hague grâce à la mobilisation de scientifiques comme Bella Belbeok ou Alexandre Grothendieck et sa revue « Survivre et vivre ». L'alerte concernant les déchets nucléaires est ainsi donnée pour la première fois en France. Bien d'autres vont suivre. Mais dans les années 50 et 60, avec l'apparition des premières centrales électronucléaires, le développement de la recherche et la fabrication des armes atomiques, les déchets radioactifs s'accumulent. Pour s'en débarrasser, la France participe en 1967 et en 1969, à titre expérimental, à 2 campagnes internationales d'immersion. Puis, on renonce à cette pratique jugée peu satisfaisante. Entre-temps, le CEA s'était mis en quête d'un lieu approprié pour développer un centre de stockage. Compte tenu des difficultés qu'il rencontre dans ses premiers contacts avec les populations, c'est tout à côté de son usine de retraitement de combustible de La Hague qu'il décide d'implanter un premier centre pour y stocker les déchets de faible et moyenne activité à vie courte. C'est le centre de la Manche. Il ouvre ses portes en janvier 1969. Ça a été officialisé par un décret qui n'a qu'un titre. Si vous allez au journal officiel comme je l'ai fait, sur le journal officiel, il y a le titre et c'est tout. Il n'y a pas de texte du décret. Il y a création du centre, de l'autorisation de créer ce centre de stockage. Ils ont fait des fosses pleines terre. C'est-à-dire qu'ils ont fait comme si on enterrait un mort, quoi. Et ils ont fait en creusant, on mettait des déchets, on mettait de la terre dessus. Et c'était parce que c'était des gens qui n'avaient pas la professionnalisation du métier qu'ils étaient en train de faire. Quoi. C'était une boîte privée qui a pris ça, quoi, mais qui connaissait rien au nucléaire, qui connaissait rien aux déchets, qui connaissait rien au risque de diffusion, parce qu'il pleut beaucoup quand même là-bas. Alors, quand l'Infratom est arrivé, le CEA nous a annoncé qu'on allait faire le stockage des déchets à côté, sur le Haut-Marais. Le Haut-Marais, un site où les gens allaient à la chasse, allaient à l'affût, et ainsi de suite. Donc, trouver des canards, parce que ça s'appelle le Haut-Marais, fallait y aller en botte. C'est le lieu où toutes les sources de La Hague prennent naissance. Hein. Et les gens de La Hague ont réagi. Alors la réaction, comme je l'ai senti, hein, je peux me tromper, mais ayant un bon contact avec le monde rural local, n'a jamais accepté qu'on leur impose le stockage des déchets sur le site. Et je pense qu'il y a eu une prise de conscience générale, le monde, parce que il faut savoir qu'à la région de La Hague, il n'y avait pas d'ouvriers autres que les ouvriers agricoles qui vivaient là. C'était un pays en perdition matérielle, en perdition économique. Ça, c'est très important. Au départ, ils avaient accepté l'usine parce que c'était l'avenir. Hein. On nous disait que le nucléaire, c'était formidable. Mais quand on les a agressés, en prenant une terre qui leur était propre, qui leur était importante, et ça n'a pas passé. Tout le monde ne s'est pas exprimé. Mais les gens se sentaient mal à l'aise par rapport à ça. C'était l'agression envers la terre, envers leur histoire, envers leur moyen de vivre. Quoi. Ils n'acceptaient pas qu'on tue leur terre, en quelque sorte. À raison de 25 000 fûts par an, dans 10 ans, le cimetière sera plein et il ne restera plus qu'à en trouver un autre. On n'a pas de raison de douter de la bonne foi de ceux qui sont chargés du stockage des déchets, mais le spectacle de ces feuilles de plastique à moitié enfouies dans le sol, de ces fûts rouillés, parfois sans couvercle, même s'ils ne contiennent que des produits faiblement radioactifs, cela laisse tout de même rêveur. Quel effet cela peut faire pour un homme comme vous, monsieur, qui êtes le directeur de cette entreprise, d'être en charge de produits aussi potentiellement dangereux et sur une période aussi longue? La notion du danger potentiel est d'ailleurs très discutable. Potentiellement, le réseau électrique français transporte une énergie capable de tuer la totalité de la population. Et personne ne s'inquiète de ce danger dit potentiel. Mais je veux dire, je dirais presque du point de vue philosophique, l'idée même d'être le gardien de cette matière dangereuse potentiellement, vous en convenez vous-même. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut vous faire en tant qu'homme, philosophiquement parlant? Je pense que toute industrie comporte des dangers potentiels et que potentiellement, les fabricants d'automobiles ont aussi le pouvoir de mettre à la disposition des humains un matériel qui se révèle effectivement dangereux tous les jours. Bien, ben je crois qu'on a fait le tour de la question. Je vous remercie. Je vous en prie. En 1974, en raison du choc pétrolier qui a suivi la guerre du Kippour, la France décide de se doter d'une très importante industrie nucléaire, comprenant plusieurs dizaines de centrales, ainsi que des unités pour recycler le combustible usé. La mise en route de ce vaste programme allait avoir pour conséquence d'augmenter fortement le volume de toutes les catégories de déchets radioactifs. Pour faire face à cette situation, le gouvernement demande au CEA de créer en son sein un organisme qui prendra sous sa responsabilité directe la gestion de tous ces déchets. C'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA. On est en 1979. La première mission assignée à l'ANDRA est de développer le système de stockage en surface des déchets de faible et moyenne activité. L'agence commence par reprendre en main le centre de stockage de la Manche. Elle pose rapidement quelques règles fondamentales pour sécuriser et rationaliser le stockage. Par exemple, les déchets doivent désormais être conditionnés dans des colis normalisés. Et l'agence construit un système de collecte pour contrôler et maîtriser les eaux sortant du stockage, ce qui permettra de surveiller l'impact du centre sur son environnement. Parce que du coup, à Digulville, on est sur une zone humide, Et on a stocké ça, une zone humide, faillée. On a stocké là, à même la terre, dans des bidons, tous les déchets des 30 premières années de l'ensemble des activités nucléaires, civiles et militaires françaises. Ouais. Okay. Ouais. Et donc, eux, ils débarquent, ils ont dû tout reconditionner, en fait. Ils ont laissé ce qui était... Ils ont laissé ça en l'état. Ils ont fait les nouvelles fosses d'entreposage, elles ont été faites dans des conditions meilleures, c'est tout. Mais le reste est resté là. Le reste est resté en l'état. Et donc aujourd'hui, là, ça continue à s'écouler. Ça continue à pisser, oui. À cette même époque, l'agence, forte des nouvelles techniques qu'elle vient de développer, entreprend la recherche d'un site pour un nouveau centre de stockage qui prendra la relève de celui de la Manche. Salve 1, de 1980 à 1983, à Saint-Priest-la-Prune, dans les Bois Noirs. Donc en 1980, la mine d'uranium, on arrive sur la fin de la mine. Et donc on se retrouve avec une exploitation où il y avait une mine à ciel ouvert dans les bois, par derrière là. Il y avait des puits de mine, il y avait trois puits de mine, dont des puits qui descendent jusqu'à 440 mètres de profondeur. En tout, je crois qu'il y avait plus de 50 km de galeries sur 10 niveaux, donc ça fait vraiment beaucoup de volume et d'extraction. C'était une grande mine, le minerai était relativement riche. Et pour les ventilations des galeries, on voyait de la fumée dans les bois, en plein milieu des bois. C'était des bouches d'aérage. Le site existant, ça tombait bien, il y avait la création de l'ANDRA qui était très récente, et c'est une époque où on commençait à chercher un centre de stockage pour les dépôts pour succéder à la Hague. Et donc là, c'était une bonne idée, ils ont trouvé que l'ANDRA pouvait faire un centre de stockage de suradioactifs, d'où le projet de stockage de suradioactifs à Saint-Priest-la-Prugne, avec les arguments, les gens ils ont une longue tradition nucléaire. La COGEMA, qui avait remplacé le CEA, est propriétaire des terrains, donc on s'arrange entre COGEMA et l'ANDRA. Et puis c'est surtout que, Et on n'était pas nombreux. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans le coin. Ouais. Au début, les communes étaient essentiellement d'accord, surtout Saint-Priest était d'accord. À la Prugne aussi, parce que le maire, c'était un ancien mineur, donc ils n'étaient pas contre les déchets. Mais en plus, ils prévoyaient nous donner un bon pactole d'argent. Et donc les gens étaient pour. Mais la population s'est mobilisée contre. Nous, on n'était pas du tout d'accord d'avoir un HAG numéro 2 ici. Tout le monde a réagi. Les gens de la région de Vichy, les gens de la région de Roanne, les gens de la montagne bourbonnaise, les gens du Puy-de-Dôme, les trois départements. Et on a créé en fait trois collectifs, un pour chaque département. Collectif Bois Noir Allier, collectif Bois Noir Loire et de Puy-de-Dôme. Et plus tard, on a regroupé un seul collectif. Mais au départ, les trois départements se sont défendus. Et il y avait un collectif des élus. Collectif des élus. Comité de sauvegarde des élus, voilà, qui s'était regroupé aussi pour pouvoir lutter en complément avec les populations. On a fait des réunions par commune. Voilà, par exemple, Saint-Clément, il y avait des réunions publiques à chaque fois, et on faisait signer des pétitions. On informait. Alors, nous, on s'est informés parce que nous étions ignares, il faut le dire. On a beaucoup de réunions. En la matière. Dans toutes les communes. On s'est répartis toutes les communes. Et c'est pour ça qu'on s'appelait collectif aussi, et on a fait comme un réseau. Et alors on était assez pistés par les renseignements généraux d'ailleurs. Bon, on n'avait pas les moyens qu'on a à ce moment-là. On se téléphonait, au dernier moment on regroupait des gens, amendements, etc. Donc on a fait un maillage du territoire. Un maillage, et puis ça fait comme une... En toile d'araignée, et donc il y avait tous les milieux, là, les milieux enseignants, les milieux agricoles, dans le domaine médical, il y avait des gens qui ont suivi pour les pétitions, tout le monde a eu la manif, la grande manif où on était très nombreux, et puis les manifs à la Palisse, les manifs partout, il y avait des manifs, c'était intense en permanence, quoi, enfin bon... On avait bloqué la 7 à la Palisse, la nationale 7. La commune avait demandé à racheter le terrain qui était un petit peu en bordure de propriété de la COGEMA, de racheter quelques hectares, là où il y avait l'usine du traitement du minerai. Puis nous, on soutenait aussi l'idée à ce moment-là de garder ce bâtiment pour faire une activité économique axée sur les métiers du bois. Donc on avait fait des grands panneaux qu'on avait mis à l'entrée du site. Et donc Ratier, le maire de Saint-Prié, il n'a pas craqué toutes les promesses économiques. Et au contraire, il a axé pour racheter la parcelle de terrain pour bloquer l'endroit au cas où il reviendrait sur le terrain. Donc cette parcelle, elle est restée une parcelle communale en fait. On avait lancé des cartes postales envoyées à Mitterrand aussi. Oui. Et donc après, il y a eu une réponse qui s'engageait à abandonner le dossier si et on a pu la faire paraître la veille des élections. Élu président de la République, je demanderai au gouvernement de proposer au Parlement une loi qui permette de garantir le contrôle des citoyens et des élus sur toutes les décisions, notamment les questions de sécurité touchant au nucléaire. Les conditions de la démocratie ainsi créées, ce projet, unanimement condamné par les élus et les populations, sera abandonné. François Mitterrand, avril 1981. On est allé fêter à Saint-Prié et tout le monde buvait le champagne et moi j'étais l'oiseau de malheur. Et je trinquais avec Ratier, avec le maire, et je lui dis je ne suis pas certaine qu'on n'ait pas continué. Il m'a dit, oh, mais madame Guénon, c'est pas possible. Mais j'ai une lettre, on a une lettre, hein, c'est pas possible. Oui, mais... Je lui ai dit, bon, écoutez, je souhaite que ce soit comme ça. Mais malheureusement, j'ai eu raison. Et donc, nous, la CFDT avait négocié avec Quilès avant l'élection de Mitterrand. Et bon, on avait des points d'entente avec lui. Mais quand le gouvernement a été formé, ils l'ont pas mis. Ils l'ont mis ailleurs. Et quand on lui a demandé après pourquoi, il nous a dit c'est la technique de Mitterrand. Il veut pas mettre à poste un gars qui connaît le problème. Donc s'il avait mis Quilès à cet endroit-là, c'était Quilès qui avait le savoir et pas lui. Donc quand il rebat les cartes. Il n'a plus ce risque-là. Quoi. Mitterrand avait promis un grand débat sur le nucléaire. Et en fait, ça s'est traduit. C'était donc en mai. En septembre, il y a eu à l'Assemblée, il y a eu une demi-journée consacrée au nucléaire, effectivement. Mais je n'ai pas vu de problème important soulevé. Faut-il continuer le retraitement ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce que. Ça n'a pas débattu là-dessus, quoi. Ça n'a pas débattu là-dessus. Les vraies questions n'ont pas pu être posées. Non. Donc là, on avait Jean Auroux qui nous tournait Kazak maintenant. Il était maire de Roanne quand même. Du PS, Jean Auroux. PS, maire de Roanne. Il avait été président du comité de sauvegarde. Il était devenu ministre de l'Intérieur. Et il ne voulait plus nous voir, hein. Donc il fallait absolument qu'on obtienne l'abandon du site qui était inadapté pour stocker des déchets radioactifs. On a bataillé, et en finale, on a obtenu l'abandon du projet tel qu'il était présenté. Ils nous ont promis qu'ils mettraient en place une commission pour effectivement répondre à notre demande et que le CEA étudie les meilleures conditions possibles pour stocker des déchets radioactifs. La commission Castaing est lancée pour étudier de manière indépendante la gestion des déchets nucléaires. Pour la première fois, des personnalités critiques du nucléaire, comme Jean-Claude Zerbib, sont inclus dans la réflexion. Pendant ce temps, la résistance au bois noir ayant été trop forte, trois nouveaux sites sont envisagés. Il s'agit toujours de succéder au centre de stockage de la Hague pour la gestion des déchets de faible et moyenne activité à vie courte, issus de l'ensemble des activités de l'industrie nucléaire. Salve 2 de 1984 à 1987 à Lignac et Tranzo dans le Bois Chaussud dans l'Indre et à Soulaine en Champagne méridionale dans l'Aube. Moi je suis Annie Lebourg, j'étais enseignante. Et en 1984, quand dans les journaux est paru un petit article qui nous indiquait que Lignac allait devenir un centre de stockage de déchets nucléaires, nous qui étions venus ici à la campagne pour trouver le calme et la sérénité, on a tout de suite rassemblé des personnes, on a constitué tout de suite un comité qui s'appelle Comité anti-poubelle atomique. On n'était pas seul, donc il y avait des agriculteurs, monsieur Poupry, qui lui faisait partie de la commune de Lignac. Nous étions commune de Chaillac, mais le projet de centre de stockage était tout à fait limitrophe à notre commune. Quand on a su que les trois principaux de l'Andra venaient nous faire une réunion à la mairie à Lignac pour les gens de Lignac, hein, j'ai dit, ben oui, c'est bien, comment qu'on va pouvoir les contredire. J'ai téléphoné à la chambre d'agriculture de la Manche, j'ai tombé sur quelqu'un et tout, il m'a dit, ben écoutez, puisque vous voulez des renseignements sur les déchets nucléaires, téléphonez à M. Lucas, qui est de la Hague, qui était responsable cantonal de la Hague pour les agriculteurs. Bon, ben je l'ai appelé, et puis ben on avait fait, j'avais fait 10 questions à lui poser. Bon, et puis j'ai dit, ben on va écouter, je vous pose des questions, hein, mais vous me répondez tout de suite parce qu'on a la réunion ce soir. Il connaissait les trois gars qui étaient à Lignac, il les rencontrait toutes les semaines à la Hague. Et puis bon, ben, j'ai posé des questions et tout. La dernière, je me rappelle de la dernière parce qu'elle était un peu... J'ai dit, si c'était à faire, qu'est-ce que vous feriez en tant que là-bas? Il m'a dit, il n'y aurait pas de problème, on prendrait les fusils. Ben tout, le maire était pour, les déchets, le conseiller général, on avait toutes les autorités qui étaient pour, parce que ben il était arrosé avec un peu de pognon. Ah bon? Et bon, alors ils ont fait leur réunion, on a rentré dans la réunion, dans la salle, que les gens de Lignac. Bon. Alors, bon, ben, ça s'est passé. Quand ils ont eu fini leur discours, tous les trois, le maire qui était pour, il a pris la parole pour dire grand chose. Comment il s'appelait, le maire, déjà? Vilain. Ouais. Bon. Et puis il était notaire, non? Oui. Ah oui, oui. Il était maire et notaire. Ouais. Mais bon, ben. Non, c'est juste un hasard. Ce qui était en jeu dans l'histoire, si ça s'était fait, c'est que son fils aurait été directeur du centre de Lignac. Ah bon? Ah. Bon. Bon, ben, Vilain a demandé s'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à dire. Personne n'a bougé, personne n'a levé la main. Enfin, j'ai dit, bon, ben, j'y vais. Et j'ai dit, ben, tout ce que vous nous avez raconté là, c'est pas ce que M. Lucas m'a dit au téléphone à midi. Et ils connaissaient bien Lucas. Ils ont... Quand j'ai parlé de Lucas, ah là, c'était ce qu'il fallait pas. Et puis, ben, j'ai défilé mes questions et tout, et puis les réponses que Lucas m'avait faites. Eh ben, je vous garantis qu'ils n'ont pas été longtemps après à plier bagage. Hein. Surtout quand, ben, la dernière question, quand Lucas m'a dit que si c'était affaire, il prendrait les fusils, eh ben, je vous dis que, hein, ceux qui étaient contre, non, on ne pouvait pas rien dire, ni à RBS, ni dans le journal. Ouais. Par contre, ceux qui étaient pour, eux, ils avaient la parole. Et quand ils nous ont fait voter, les agriculteurs de Lignac, le soir, entre 6 et 7 heures, eh ben, il y avait 72 agriculteurs à Lignac, hein, en tout. Eh ben, il y en avait 67 contre. Quand les gendarmes sont venus à la maison le premier coup, J'ai dit, bon, ben écoutez, si vous voulez qu'on arrête tout, moi je veux bien, j'arrête tout. Hein, et puis je sais que ça va, que personne va bouger. Hein, mais j'ai dit, faudra pas être étonné que dans deux jours ou trois jours après, eh ben on vous appelle pour en dépendre deux ou trois dans les tilleuls sur la place. Ah, ils m'ont dit, c'est pas à ce point-là. J'ai dit, si, c'est à ce point-là. Il y a eu, quand les gardes mobiles sont arrivés de Nouvelle-Calédonie, qui venaient là pour se reposer pendant trois semaines, hein, ben, ils ont été, comment je dois dire, détrônés parce que ben, ils sont venus à Lignac. Et ils étaient avec les armes et les grenades et tout le bazar. Hein. Ils vous ont amené les militaires? Oui, 400. Et les fameux gardes mobiles. Oui, les gardes mobiles, quoi. Les gardes mobiles, ils venaient de Nouvelle-Calédonie. Oui, ben c'est ceux-là qui avaient décousu. Bon, eh ben, ils sont arrivés le soir au terrain militaire à la caserne. Ah oui, à Montmorillon. À Montmorillon, pour coucher. Et puis, ben, le lendemain matin, ils devaient venir à Lignac. Seulement, ben, ils ont été embêtés, parce que dans la nuit, eh ben, on a tourné toutes les pancartes de direction. Si bien qu'au lieu, de s'approcher de Lignac, ils s'éloignaient à chaque coup. Ils ont été obligés d'appeler les gendarmes de Belle-Europe pour qu'ils viennent les remettre sur le chemin. Le comité de Tilly, quand on avait fait Tilly, on avait bloqué, il y avait une réunion avec le préfet et tout, qu'on avait tout fermé. Oui. Et là, il y avait le préfet, alors là, on avait fait une prise d'otage du village, carrément. On avait tout cerné, il y avait le tractopelle, il y avait les tracteurs. Le tractopelle, c'est quoi? Plus gros, c'est plus facile. Et on avait fermé toute la mairie et tout le village, c'est pas grand, il y a le bourg. Mais bon. Et on avait tout fermé comme ça. Et là, tout était bloqué pour discuter avec le préfet. Et tous les élus, il y avait une réunion cantonale, etc. Et tout, alors là, ça a changé aussi les rapports de force qui étaient importants. On avait décidé de cimenter tous les forages. On s'est tous bouché avec du ciment. Sauf deux, que j'ai pas pu arriver à retrouver. Oh. Oui. Mais on a bourré avec des chiffons, du papier et tout le bazar, et on a mis un seau de béton dedans, non choc. Hein? Et puis on a remis la plaque dessus, parce qu'il y avait une petite plaque en fer pour pas qu'il tombe de saleté dedans. On l'a remis tel que, et puis on a remis l'herbe dessus, on pouvait pas voir qu'on avait touché à la plaque. La lettre officielle du préfet, en disant qu'il arrêtait le machin de Lignac, parce que ils ont dit que la terre était pas ne convenait pas, ils n'ont pas dit que c'était pas les gens qui étaient contre. Hein? Mais donc, il a abandonné parce que c'était pas possible. Moi, je vous rappelle bien, c'était un choc, quoi. Je me souviens, je venais de rentrer au conseil municipal. Avec quelques... De Transo, oui. Le maire me dit un jour, j'ai reçu une convocation pour aller à une réunion organisée par l'Andra à Neuvy-Saint-Sépulcre. Est-ce que tu veux venir avec moi? Et là, j'ai eu un choc terrible parce que j'ai vu la commune de Transo entourée d'un rond, je ne sais plus si c'était noir ou rouge, hein. Mais en tout cas, c'était clair, c'était la commune qui était visée, quoi. Et donc j'ai vu le péril, et là j'ai fait une espèce de petite crise devant tous les élus locaux. J'ai manifesté mon indignation, alors que la plupart des élus, même je peux dire tous les élus, étaient attentifs à ce qu'on allait dire et semblaient déjà moitié convaincus parce que ça allait créer des emplois. C'était l'argument. Et puis amener des royalties. L'argument fort et amener effectivement un peu de taxes professionnelles dans les caisses des communes. Quoi. Voilà. On a senti, enfin, moi j'avais senti que l'Andra était redoutable parce qu'ils avaient des arguments, ils avaient préparé leurs trucs, etc. Et je me suis dit en rentrant, il faut qu'on empêche tout dialogue avec l'Andra, parce que s'il y a dialogue avec l'Andra, on est foutu. Donc ça m'a pas posé de problème moral de dire non là, parce que c'était le premier moment dans la vie, on peut dire, nationale, que la population s'exprimait contre le nucléaire. parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer au moment de la construction des centrales, c'est au moment de l'utilisation des déchets, ce qu'on sentait venir tous, parce qu'on avait prévu d'envoyer un avion, mais on n'avait pas prévu de piste d'atterrissage, quoi. Donc, c'était le il fallait pas manquer ce moment-là, il était crucial, la position du pays face aux déchets nucléaires, quoi. Je l'ai ressenti comme ça, quoi. Je suis né ici, à Sommevoire, hein, donc à 10 km à vol d'oiseau de la poubelle de Soulaine. Et quand on a découvert dans le journal qu'il risquait de s'installer une poubelle nucléaire dans les environs, et ben, on s'est regroupé, on a créé un comité de sauvegarde de la Champagne méridionale. Ça se situe un peu où se trouve Soulaine, hein, en Champagne, pas loin des vignes de Champagne. Et donc tout de suite on s'est regroupé, on a fait des référendums dans toutes les communes autour de Soulaine et toutes dans ces référendums ont dit non à la poubelle nucléaire. On avait besoin de vérifier qu'on se battait au nom de l'intérêt global de la population, et ça nous a confirmé dans notre volonté de faire échec à l'implantation de cette poubelle. Donc tout le monde était contre ? Majoritairement, oui. Et comment ça se fait que ça s'est fait, alors ? Parce que aller déposer un bulletin dans une urne pour dire son avis, et puis résister concrètement à l'avancée du projet mené avec des moyens énormes. L'Andra dispose de moyens énormes pour convaincre les élus, parce que évidemment la vie des élus compte aussi, et ils ont mené les opérations en direction de ces élus pour que au final la déclaration d'utilité publique soit prise et que la décision d'ouverture du centre soit faite, quoi. Et effectivement, on a bien organisé des manifestations dans la rue, sur le terrain, des actions de sensibilisation. On en a passé du temps pour essayer de convaincre que il suffisait pas d'avoir voté contre, il fallait aussi se bouger chaque fois qu'il y avait une action supplémentaire qui était menée par l'Andra. Et ce qui, enfin, entre guillemets, leur a facilité la chose, c'est que là où ils sont implantés, enfin, ils ont acheté carrément une forêt qui appartenait à une société d'assurance. Tu sais, les sociétés d'assurance, elles doivent faire des placements à long terme, donc ils peuvent acheter 1000 ou 2000 hectares de bois. Enfin, et je crois que ça s'est fait comme ça, facilement. Ils n'ont pas dû exproprier 10, 20, 50, 100 propriétaires. Ils ont trouvé un accord avec cette société d'assurance dont j'ai oublié le nom. Et puis, bah voilà, et puis ça s'est fait au milieu de la forêt. Enfin, comme il n'y a pas eu de résistance suffisante pour implanter Soulaine, bah on s'est dit, enfin, ils se sont dit, bah, tiens, on va essayer d'approcher dans le même cœur de forêt, hein, puisque Morvilliers et Soulaine, c'est contigu. Pourquoi pas un autre centre qui accueillerait une autre nature de déchets, mais ne me demandez pas d'être précis sur la nature, mais c'est toujours sans danger. C'est toujours sans danger. Alors à Soulaine, on a eu des difficultés, il ne faut pas se cacher les choses, mais quand même, d'abord on est arrivé avec un projet technique extrêmement précis, extrêmement clair, facile à expliquer aux populations. Ça, c'était fondamental. Et puis la confiance s'est instaurée. Donc, en fait, la commission Castaing, c'était un espèce d'alibi. Enfin, ça peut être un alibi. Vous avez pas le sentiment d'avoir, par exemple, été un peu utilisé pour Soulaine, parce que finalement, vous avez pu venir et puis faire accepter les choses par la population beaucoup plus facilement. Et Soulaine, c'est le jour et la nuit avec, avec le centre de Digueville, hein, ouais. Le centre Manche. Oui, l'impact qu'a eu la commission Castaing, c'est quand même, pour ce qui est de Soulaine, on peut dire que le travail a été bien fait. On respecte un certain nombre de critères pour le stockage. On ne fait pas n'importe quoi, on n'installe pas n'importe où. Notre problème, c'est d'éviter que l'eau arrive. Donc, on prend une roche où l'eau a du mal à pénétrer. Et on veille, parce que quand on fait quelque chose, on fait des trous. Il faut aussi boucher les trous de manière à ce que ce ne soit pas un risque d'intrusion de l'eau par les cavités qu'on fabrique pour arriver au lieu de stockage, par exemple. Mais après, dans la mesure où c'est vous qui êtes, enfin la commission Castaing qui est venue présenter le projet à la population, oui, et expliquer, ça a favorisé l'acceptabilité du procédé. Voilà. Je suis tombé aussi sur ça, là, sur la venue de la commission Castaing. Ah bah tu vois, c'est ce que tu voulais. C'est ce qu'on cherchait. Ah ouais. Et est-ce que toi, ça te rappelle quelque chose là, de voir ce papier? Ouais, mais ça paraît tellement dérisoire ce dont je me rappelle. Mais qui est aussi la traduction que, contrairement à ce que nous avait annoncé l'ANDRA, ça n'allait pas développer la vie dans les villages aux alentours. Je me souviens qu'on a reçu le professeur Castaing et qu'on allait, enfin, on l'avait invité nous aussi, hein, à venir. Et on a mangé dans un restaurant à Ville-sur-Terre, là où vous êtes passé. Ce restaurant, il n'existe plus, il n'y a plus un seul restaurant à Ville-sur-Terre. Donc, la vie dans les villages promise par l'ANDRA, ça concerne peut-être Soulaine, parce que c'est la vitrine, c'est là que tous les visiteurs étrangers se rendent. Regardez comme l'argent qu'on déverse à flot sur les communes peut produire d'embellissement du village. Mais autour de ça, il n'y a quand même plus une vie extrêmement importante dans les villages alentours. Quand même, la décision de créer la commission Castaing, elle a été prise par le Premier ministre. Mais le Premier ministre, il avait dit à qui voulait l'entendre que de toute façon, l'Ague continuerait. Quoi. Donc, quel que soit ce qu'on dirait, l'Ague continuerait. C'était le gars de Lille, Mauroy. Ce choix est loin d'être anodin. Malgré son indépendance, la commission Castaing n'aura pu remettre que des avis techniques, dont certains font encore référence aujourd'hui. Mais les grandes décisions sont politiques. Après une campagne électorale pourtant anti-nucléaire, le choix de Mitterrand de maintenir l'usine de La Hague est une véritable prise d'otage sur l'avenir qui surdétermine la politique de gestion des déchets. Aujourd'hui, les piscines de La Hague débordent de combustibles usés dont on ne sait que faire. C'est la conséquence directe de cette décision irresponsable. Continuer le retraitement à l'usine de La Hague engageait le pays pour des décennies dans une stratégie basée sur une filière de réacteurs qui n'a jamais vu le jour. Ségolène Royal, sur Twitter, vous avez dit que le vote d'une motion de censure par les oppositions était logique. Honte à celui qui dénonce une collusion. Vous auriez voté, vous, une motion de censure déposée par le Rassemblement National, enfin le Front National à l'époque? Mais c'est justement parce que ça ne s'est pas fait dans ce sens-là, précisément. Vous voyez, donc c'est le Front National qui est venu voter une motion de censure. Mais ça s'est toujours fait, c'est un fonctionnement normal des institutions. Je ne vois pas pourquoi le débat politique devient aussi violent et les gens se lancent des anathèmes inutiles. Une motion de censure, c'est pour bloquer, c'est pas un projet politique, hein, c'est pour bloquer de mauvaises décisions. Mais cette alliance, elle ne vous choque pas ? Ce profil, c'est quand même la mauvaise réforme des retraites. Donc l'électorat qui a voté, qui n'a pas voté pour la majorité actuellement aux responsabilités, attend de ses représentants aussi qu'elle arrête, qu'elle ait la capacité de dire stop à de mauvaises décisions. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, et de dire oui à de bonnes décisions. Et comme il y a une majorité relative à l'Assemblée nationale, le gouvernement aurait tout intérêt, ça serait d'ailleurs une chance à saisir pour lui, de déployer des capacités de négociation et de reprendre des bonnes propositions qui ne venant pas de lui, ont malgré tout été votées par une majorité à l'Assemblée nationale, comme la taxation des superdividendes. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Donc, à partir du moment où les Français ont voté comme ils ont voté, c'est-à-dire ils n'ont donné qu'une majorité relative, mais c'est une chance peut-être pour que la démocratie soit un peu plus intelligente et qu'on puisse s'écouter les uns les autres pour prendre des décisions plus équilibrées. Donc cette alliance, c'est pas une alliance. C'est un vote identique pour une motion de censure. C'est pas pareil. Pour dire stop à ce qui est en train d'être fait, ça ne nous convient pas. Qui font ce reproche sont ceux-là même qui ont voté pour des députés du Rassemblement national pour accéder au bureau de l'Assemblée nationale, pour présider l'Assemblée nationale. Ce qui ne se voit dans aucun parlement d'aucun pays européen. Aucun pays européen n'a tendu comme ça la main à l'extrême droite pour accéder à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc c'est quand même un peu fort de voir ceux qui ont fait cela reprocher à la gauche, à la NUPES, qui n'a pas ni à accepter ni à refuser, c'est tout. Les députés sont libres de leur vote par rapport à une motion de censure. Frédéric Delpech, c'est tenable. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi le Front National a voté cette motion de censure. Le Front National a voté cette motion de censure parce qu'ils se sont fait enguirlander par leurs électeurs. Quand ils sont revenus dans leur circonscription, après avoir refusé de voter pour la hausse du SMIC, d'avoir refusé de voter l'imposition des super-bénéfices, d'avoir refusé de voter toutes les mesures sociales, d'avoir refusé de voter l'indexation des salaires. Donc le Front National a refusé de voter toutes les mesures sociales. Et quand ils sont revenus dans leur circonscription, les gens n'ont rien compris. Ce n'est pas pour ça qu'ils les ont envoyés à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour ça que le Front National s'est refait une santé, si j'ose dire, en votant la motion de la NUPES. C'est ça qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, que disent les gens? C'est très simple. Les gens, ils ont peur de l'inflation. Ils voient que les salaires n'ont pas été indexés. Alors qu'ils sont indexés en Belgique, pourquoi pas en France? Il voit que ce gouvernement a supprimé l'indexation des retraites et en plus fait peur avec les retraites en menaçant de diminuer encore les retraites parce que la réforme des retraites, si on allonge les durées de cotisation, ça revient à baisser le niveau des retraites alors même qu'il y a une inflation. Et c'est ça que les gens veulent stopper. L'émotion au sein du Parti Socialiste quand même sur ce vote du Rassemblement National, vous le comprenez? Elle n'est pas nouvelle, puisque un certain nombre de socialistes aussi étaient hostiles à l'Union au moment des législatives. Moi, ma position, c'est qu'ils auraient dû faire l'Union avant le premier tour de la présidentielle. J'avais même dit à Hidalgo qu'elle aurait dû se retirer pour se mettre derrière Jean-Luc Mélenchon. S'il faut faire en sorte, en ajoutant une phrase, une proposition, de faire en sorte que de ne pas pouvoir obtenir les suffrages du Rassemblement national et députés. Est-ce qu'il faut dire à tout prix non, c'est une infamie, effectivement, de recevoir les voix des députés du Rassemblement national? Non, je ne pense pas que ce soit une infamie. On ne reçoit pas les voix. On ne reçoit pas les voix. Les députés du Front National votent pour une motion de censure. Ils ne votent pas pour pour la gauche. Ouais. Ils votent pour arrêter le gouvernement sur un certain nombre de mesures qui ne sont pas bonnes. Et ils le font parce qu'ils ont mal voté dans toute la première séquence et que toutes les propositions, y compris les propositions du MoDem sur la taxation des superdividendes, le Front National n'a pas voté. Donc ils n'ont même pas voté la hausse du prix du SMIC, ils n'ont même pas voté l'indexation du SMIC. Donc ils essayent de se rattraper en votant pour un texte de gauche, en fait. Allez, Ségolène Royal, 3-49-3 en quelques jours. Votre réaction, simplement, là-dessus? C'est pas bien. Pourquoi? C'est pas démocratique. C'est un outil démocratique qui est inscrit dans la Constitution. C'est pas pour ça que ça a été fait, 49-3. 49-3. Et en plus, il semblerait que ça ne soit pas terminé. C'est-à-dire, il paraît qu'il va y avoir une quinzaine de 49-3. Mais c'est ridicule. Et puis, songez à l'image que donne la France, même sur la scène européenne et sur la scène internationale. Il n'y a plus que ça pour gouverner, au lieu de se demander, mais pourquoi est-ce que le Parlement est opposé à un certain nombre de décisions? Ben, regardons-les. C'est comme tout à l'heure à Sainte-Soline. Mais attendez, arrêtons-nous et regardons pourquoi les parlementaires ne sont pas d'accord avec un certain nombre de décisions. Le 49-3, il peut être utilisé quand il y a obstruction à l'Assemblée nationale. C'est quoi l'obstruction? C'est quand un groupe parlementaire dépose, oui, par exemple, 50 000 amendements pour empêcher la discussion. Là, c'est pas ce qui a été fait. Il y a eu un travail considérable qui a été fait par les parlementaires, par les députés, pour faire des propositions. Certaines ont été votées. Et un gouvernement qui devrait se dire, attention, à l'élection présidentielle, on a eu que 12% de vote des inscrits, et que 12% des Français qui ont inscrit, qui ont voté, ou 12 ou 18% qui ont voté pour Emmanuel Macron, en tout cas moins de 20%. Donc on a la responsabilité de rassembler le pays et d'écouter les forces politiques à l'Assemblée nationale. Mais vous admettez que les gouvernements socialistes ont largement utilisé le 49-3. Il y en a eu 6 sous Manuel Valls, 28, je crois, sous Michel Rocard. Donc c'est une mauvaise arme pour Emmanuel Macron, mais une bonne arme pour les socialistes. Ça n'a pas été fait dans le cadre d'un débat budgétaire de façon comme ça répétitive sur chaque chapitre d'un texte de loi. Ça n'a pas été fait dans ces conditions-là. Et par ailleurs, quand Manuel Valls a utilisé le 43, moi j'y étais opposée. J'ai trouvé ça scandaleux par rapport à la loi travail. D'ailleurs, ça s'est mal terminé. Et donc, il y a une question d'écoute. C'est un outil, certes, constitutionnel, mais il y a un contexte politique. Vous savez, la politique, c'est aussi un contexte. C'est de sentir les équilibres des forces politiques et c'est d'avoir l'intelligence de se dire, on va co-construire quelque chose, on va retenir un certain nombre de propositions qui ne venaient pas du gouvernement, mais qui venaient des oppositions pour essayer de construire quelque chose. En tout cas, moi, quand j'ai eu des lois à faire voter, j'ai toujours eu cette attention d'essayer de co-construire quelque chose qui pouvait rassembler au lieu de diviser. Pour le gouvernement, pour avancer, il n'y a pas d'autre solution. Les gens veulent stopper, non? Parce que je pense que s'il avait retenu un certain nombre d'amendements... Vous pensez que la NUP aurait... Écoutez, les insoumis auraient voté, les écolos auraient voté? Non, mais ils n'auraient peut-être pas déposé une motion de censure systématique. Mais il aurait quand même... Quand le gouvernement ne retient même pas la proposition qui a été faite, qui a été votée d'ailleurs, d'aider les familles à prendre, de faire des crédits d'impôt pour les personnes qui sont en EHPAD, pour que les familles puissent payer correctement ce qui est l'accueil des personnes handicapées. Et pourquoi c'est pas retenu? Quand est voté le fait de faire un crédit d'impôt pour les associations qui se déplacent et qui doivent payer leur essence, pourquoi c'est pas retenu? Quand le MoDem propose un amendement sur la taxation des superdividendes, pourquoi c'est pas retenu? Donc, vous voyez, les Français ont soif de justice. Ils voient d'un côté des profiteurs de guerre qui s'enrichissent, ils voient d'un côté les bénéfices extravagants des filières de production des énergies fossiles, et on a vu les dégâts des énergies fossiles. Ils voient les banques qui relèvent leurs taux et qui n'ont jamais fait autant de bénéfices qu'aujourd'hui. Ils voient tout cela. Ils voient les super dividendes qui sont versés. Et d'un autre côté, on leur dit, mais attention, vous allez payer l'énergie. Attention, on va vous baisser votre niveau de retraite. Attention, on n'est pas capable d'indexer les salaires. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et la colère sociale, elle va venir si ça n'est pas davantage équitable dans la répartition des efforts. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, luz alumbrando la ruta del alma, del Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues. Madame la Première Ministre, vous mentez. Vous mentez aux Français, aux Françaises, mais surtout, vous vous mentez à vous-même. Il y a quelques jours, vous nous avez parlé de l'urgence environnementale. Vous nous avez exhortés à changer radicalement nos manières de produire, de consommer et d'agir. Vous avez rappelé un constat implacable. Nous devons faire en 8 ans ce que nous n'avons pas fait en 32 années. Et combien de propositions concrètes dans ce discours ? Zéro. Et combien de décisions radicales dans votre plan de sobriété ? Zéro. Et combien de chances avons-nous, si vous ne changez pas de politique, de réaliser ce défi, de faire en 8 ans ce qui n'a jamais été fait ? Zéro. Et que faites-vous ? des clips, des chartes et des jolis concepts. Vous n'avez pas trahi. Pire, vous avez déserté vos responsabilités. Aujourd'hui, dans cet hémicycle, je veux rassurer les Français et les Françaises, le combat n'est pas impossible. Madame la Première ministre, s'agissant d'une action climatique, je ne m'adresse qu'à vous, car en vérité, de ministre en charge, il n'en est point. Je m'adresse à vous, à l'ancienne préfète, qui, comme on dit depuis Paris, connaît les territoires, ces territoires dont vous vous êtes si vite coupés. Votre inaction, elle se mesure en nombre de jours de sécheresse, à Clancé dans la Drôme, à Gérardmer dans les Vosges, à Miribel-les-Échelles en et dans plus de 100 autres communes privées d'eau. Privées d'eau, elle se mesure en hectares de forêts brûlées, en Gironde, dans les Landes, la Drôme, l'Aveyron, l'Isère, mais aussi en Bretagne, dans le Maine-et-Loire, le Jura ou les Vosges. Partout, cet été, la France a brûlé. Et ce sont 62 000 hectares de forêts qui ont été ravagés par les flammes. Ne dites pas « ce n'est pas nous ». Ne dites pas, c'est un problème plus grand, trop grand, qui nous dépasse. Ces incendies, c'est le résultat de votre inaction. C'est le résultat des années passées à essorer le personnel de l'ELF. 12% de ses effectifs ont été supprimés. 12%. Et pour ce budget, avez-vous pris la mesure des événements? Non. Le niveau de financement de la gestion durable de la forêt n'augmente pas en 2023. Les dépenses de fonctionnement sont à la baisse et la tendance se prolongera en 2024 et 2025. C'est intolérable au regard des besoins de protection de la forêt. Votre inaction, elle se mesure sur la facture de chauffage. Des millions de Français modestes. Chaque année, 3,5 millions de ménages ont froid parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures. Votre ministre de l'économie a découvert les cols roulés. Eh bien, ça, c'est que des millions de Français le portent la nuit car ils ont froid. Et quel est votre objectif ? 15 000 logements sortis de leur statut de passoire thermique. 15 000 logements, c'est 5 000 logements de moins que l'objectif de l'année dernière. C'est un renoncement. 15 000 logements, quand la France compte 4,8 millions de passoires thermiques, c'est ridiculement bas. 15 000 logements, à ce rythme-là, nous aurons terminé, je ne sais pas si vous l'avez calculé, en 2352. 320 ans pour isoler nos bâtiments, 320 ans pour arrêter de chauffer dehors, 320 ans pour tarir une des principales sources des émissions de gaz à effet de serre. Depuis le mois de juillet, notre collègue Eva Sas dépose des amendements pour augmenter le budget consacré à MaPrimeRénov. Nous savons qu'il faut mettre au moins 9 milliards. On vous demande de sortir de l'inaction et de l'affichage. Vous nous répondez 49-3. De quoi votre budget est-il le nom et le symbole? Vous êtes la tête de gondole du libéralisme économique qui consacre l'inaction politique et le laisser-faire attendu par vos camarades de la droite traditionnelle. Ce libéralisme qui coûte aux Français encore 9 milliards d'euros supplémentaires par an avec la suppression de la CVAE et qui est parfaitement inefficace pour combattre le dérèglement climatique et résorber nos fractures, pour cause c'est lui qui les a créés. Le en même temps est une impasse. On ne peut pas faire et la planification écologique et protéger le libéralisme économique. Votre planification est une mascarade. Des mots, toujours des mots, rien que des mots. La planète mérite mieux que le libéralisme. Nous méritons mieux que le libéralisme. Nous ne sommes pas tous également responsables du réchauffement climatique. Et votre budget donne un chèque en blanc aux plus riches, alors qu'il pollue 8 fois plus. 8 fois plus que les ménages et 50% des Français les moins riches. Je le répète, nous ne sommes pas également responsables du réchauffement climatique et de la destruction de notre biodiversité. Prenons le carburant, par exemple. Les prix s'envolent. Vous mettez en place une remise à la pompe de 7,6 milliards d'euros. Et pour qui? Pour qui? Pour Christophe Galtier, sa Lamborghini? Parce que cette remise, elle bénéficie deux fois plus aux plus riches. Deux fois plus. Même constat pour le bouclier tarifaire, gaz et électricité. 45 milliards d'euros dépensés sans distinction. Quand l'État distribue 100 euros, il donne 7 aux plus pauvres et il donne le double aux plus riches. Il y a un malaise, Madame la Première ministre. Vous le sentez ou êtes-vous complètement déconnectée? Mon collègue Nicolas Thierry vous propose un bouclier tarifaire écologique qui garantit à chacun et chacune d'avoir suffisamment pour vivre et ne subventionne pas l'ébriété énergétique. Madame la Première ministre, j'aimerais maintenant parler de votre méthode. Je regarde un instant la présidente de cette Assemblée. Au cœur de l'été, vous avez rappelé votre attachement viscéral à la construction de compromis, votre peu de goût pour le 49-3. Quel malaise aujourd'hui, vous allez devoir présider une assemblée muselée à coup de 49-3. Une stratégie de fin de règne seulement 4 mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Car le 49-3, c'est l'arme des faibles, l'arme de ceux qui sont à court d'arguments. Et pourtant, à votre droite, une opposition fantoche qui valide tous vos textes. D'ailleurs, votre budget, les LR auraient pu le voter, il est conforme à leur projet. À votre extrême droite, un parti qui n'aime pas la science, qui n'aime pas les faits, qui n'aime pas l'histoire, un parti qui s'est avili dans le résistionnisme, un parti qui se réjouit de votre brutalité sociale, car c'est sur ce terreau qu'il prospère, un parti qui s'accommode de votre inaction climatique, puisqu'il n'y a pas si longtemps, Marine Le Pen disait, je cite, « N'êtes pas certaine que l'activité humaine soit à l'origine des changements climatiques ». Au milieu de ce grand jeu de dupes, avec le retour de Nicolas Sarkozy qui vous tend la main, des places clés de l'Assemblée que vos députés ont choisi d'offrir à l'extrême droite, la NUPES prend ses responsabilités. Oui, la NUPES continue à participer à un débat de qualité. Elle n'est pas une opposition stérile. Non, elle propose, toujours, et elle sait faire des compromis. Nous avons fait des propositions. Nous en avons même trouvé dans les rangs, avec votre soutien, par exemple sur les superdividendes qui avaient été proposés par Jean-Paul Mattei, ou encore le crédit d'impôt en faveur des résidents d'EHPAD proposé par Christine Arrigui, et votre 49-3 les écrase. Madame la Première Ministre, vous avez rendu hommage à l'humanité rare de Bruno Latour. Vous avez salué ses travaux, qui, je vous cite, continueront d'éveiller les consciences. Mais il serait temps. D'ailleurs, il ne prétendait pas vous éveiller, mais bien vous chasser. Je le cite pour dissiper votre contresens. Ils ont échoué à basculer de la productivité à l'habitabilité. Il faut donc prendre le relais. Votre budget aggrave la situation et consacre les responsabilités climatiques des plus riches. Les dépenses climaticides augmentent comme si le niveau d'alerte n'avait jamais été atteint. Pourtant, je le répète, vous le savez. Vous le dites aux Français, vous les exhortez à multiplier les efforts. Il nous reste moins de 8 ans pour agir et limiter l'augmentation des températures. Nous, écologistes, nous, députés de la NUPES, nous prenons le relais. Nous ne lâcherons rien. Nous ne baisserons pas les bras. Durablement, nous proposerons et nous proposerons encore la taxe sur les superprofits, une fiscalité qui intègre le principe pollueur-payeur, la création d'un ISF climatique, un bouclier tarifaire qui introduit une justice sociale et une efficacité climatique. Aujourd'hui, c'est l'heure du choix. Des choix radicaux, des choix qui dérangent les intérêts privés, des choix courageux, des choix qui obligent à partager les richesses, des choix qui partagent les responsabilités. Des choix, je vous le dis, enthousiasmants pour le plus grand nombre d'entre nous, mais qui dérangeront une caste de privilégiés qui vous impressionne. Alors, s'opposer au néant, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Les Français peuvent compter sur nous, sur les écologistes, sur la NUPES, pour mener le combat. Je vous remercie, Madame la Présidente Châtelain. Les grenades. honte. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creusent des lits, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Par ici et que je tiens à féliciter publiquement puisqu'il vient d'être papa depuis quelques jours, un nouveau papa depuis quelques jours, donc bravo à vous et bravo à votre épouse. Pour la naissance, alors non pas de votre premier enfant parce que je crois que c'est le quatrième enfant, belle et grande famille, et donc une première petite fille qui se prénomme Clotilde, un bien joli prénom. Donc bienvenue à vous au commandant. Je salue également la présence du capitaine Lavens, donc qui est représentant du 1er régiment des tirailleurs d'Épinal. Et on est toujours très heureux de vous accueillir, vous, les militaires d'Épinal, ici à Remiremont. Votre présence est fréquente, elle est extrêmement et toujours appréciée. Je salue aussi la présence de monsieur l'adjudant-chef Boson, représentant l'escadron 25-7 de gendarmerie mobile de Saint-Étienne-lès-Remiremont. Donc bienvenue à vous. J'excuse le capitaine Laporte qui était présente au début de la cérémonie mais qui était prise par d'autres obligations puisqu'elle assure l'intérim à la tête du commissariat de Remiremont. Et puis je salue bien évidemment monsieur le capitaine Imbert qui est le commandant du centre de secours de Remiremont et l'ensemble des pompiers qui ont à nouveau participé à cette belle cérémonie qui sont présents ici à la mairie. Je salue aussi monsieur le lieutenant Zanqueta, chef de la police municipale et donc qui a assuré notre sécurité ici. Je salue évidemment toutes les autorités civiles militaires, je salue évidemment les porte-drapeaux, toutes les associations qui sont présentes et elles sont nombreuses. Et puis je vous salue toutes et tous en vos grades et qualités. Et si vous me le permettez, je vais vous appeler ce matin, chers amis. Alors nous sommes réunis ici pour commémorer la mémoire du 11 novembre 2018, ça fait cette année 104 ans, bien sûr, que enfin, après 4 années de terribles conflits, les armes enfin se sont tues, les canons se sont éteints. Mais peut-être ne le savez-vous pas, mais c'est le 100e anniversaire de la commémoration, non pas de l'armistice, bien sûr, mais de la commémoration, puisque c'est un 11 novembre 1922 que celui qui est chef du gouvernement à cette époque-là, qui est Raymond Poincaré, qu'on connaît bien ici, Lorrain, qui avait été notamment président de la République pendant la Première Guerre mondiale, il était redevenu chef de gouvernement, et c'est Raymond Poincaré qui a décidé de faire une véritable célébration, en plus, évidemment, des cloches qui sonnaient régulièrement depuis le 11 novembre 1918. Alors, comme vous le savez, notre région Lorraine, à laquelle nous sommes évidemment attachés, même si on est dans une autre entité territoriale désormais, mais notre région Lorraine a été lourdement touchée, puisque nous étions en première ligne, Il ne faut pas oublier que nous, ici à Remiremont, nous n'étions qu'à 30 km de la frontière avec l'Allemagne, qu'il y a eu d'ores et déjà des combats dès 1914 et en 1915 sur les crêtes, puisque cette ligne bleue des Vosges que désignait Jules Ferry a été un des premiers fronts. Mais évidemment, la Lorraine a été fortement meurtrie plutôt sur la partie nord, et l'une des pires et une des plus grandes batailles de la Première Guerre mondiale s'est déroulée tout autour de la région de Verdun, où des centaines de milliers de soldats, qu'ils soient français mais aussi allemands, ont perdu la vie pour une guerre qui a été absolument terrible. Il a été rappelé tout à l'heure dans le discours du ministre que 10 millions de victimes ont été à déplorer en ce 11 novembre 1918, lorsqu'on a commémoré la paix, mais c'était un sacrifice absolument terrible, et c'était une forme un petit peu de suicide collectif de notre civilisation européenne. Et on y a sacrifié de très nombreux hommes, en France pratiquement 1,4 million d'hommes qui sont morts, c'est des millions d'hommes qui rentrent blessés, gravement blessés, mutilés, ceux qu'on a surnommés les gueules cassées, et puis évidemment toutes les blessures psychologiques, parce que lorsqu'on rentre d'un combat aussi terrible, lorsqu'on rentre des tranchées, lorsqu'on a vécu la mort quasi au quotidien, et même si on a survécu, je pense qu'on est complètement brisé psychologiquement, et il y a aussi toute cette blessure psychologique qu'il faut avoir en tête. Et puis évidemment, tous ces morts ont laissé des familles endeuillées, et en particulier des femmes, puisque pour autant de morts, c'est autant de femmes, et c'est pratiquement 600 000 veuves, des centaines de milliers d'orphelins. Et évidemment, elles ont dû vivre après cette guerre, sans les hommes qu'elles ont tant aimés, mais qui sont morts au champ d'honneur. Alors, en ce 11 novembre, je tenais à attirer votre attention et à saluer toute l'importance qu'ont eu les femmes pendant la Première Guerre mondiale. Et je voulais vraiment rendre honneur aux femmes ce matin, d'une manière générale, bien sûr, mais aussi aux femmes qui ont été si importantes au cours de ce premier conflit mondial. Lorsque la guerre est déclenchée, en août 1914, celui qui est à la tête du gouvernement, qui s'appelle Viviani, René Viviani, il lance un appel à la mobilisation, bien sûr, mais il lance un appel à la mobilisation pour les femmes. Et il leur demande une chose, il leur dit, mesdames, les hommes vont partir au front, nous sommes dans une période de moisson, et nous sommes dans une France extrêmement rurale à cette époque-là, vous avez une mission, c'est d'assurer les moissons, pour que nous ayons des récoltes et qu'on puisse passer l'hiver avec des récoltes et que nous ne subissions pas de famine. C'était une des toutes premières missions qui a été confiée aux femmes, avec des métiers qui, certes, les femmes travaillaient à la campagne, mais les moissons, c'était plutôt les métiers d'hommes. Et donc, elles vont petit à petit, au cours de cette Première Guerre mondiale, assumer des rôles, des métiers qui étaient normalement attribués aux hommes. Dans les villes, on va demander aux femmes de s'investir dans l'industrie d'armement. Et c'est les fameuses munitionnettes qui vont aller travailler pour aller fabriquer des balles, pour aller fabriquer des fusils, pour aller fabriquer aussi des obus. C'était des métiers, évidemment, d'hommes. C'était des métiers d'hommes. Et donc, elles sont amenées, effectivement, à assumer cette mission-là. Et elles ont eu, effectivement, un rôle extrêmement important au niveau des industries. Les femmes, elles ont été également présentes au niveau du front. Non pas en tant que combattantes, elles n'étaient pas vraiment en première ligne au niveau des tranchées, mais elles ont eu des fonctions en matière de santé. Et c'est vrai qu'elles étaient présentes en tant qu'infirmières pour soigner, pour parfois assurer les suites d'une lourde opération, notamment lorsqu'il y a eu des amputations. Et puis elles étaient là aussi pour rassurer les hommes, leur apporter un peu de chaleur, un peu d'humanité dans des coins qui n'étaient absolument pas chaleureux et absolument inhumains. Peut-être le savez-vous, mais une des grandes femmes de l'histoire de France, qui certes n'était pas française mais d'origine polonaise, Marie Curie, a été présente sur le front. Elle a d'ailleurs même passé son permis de conduire à cette époque-là, ce qui était un peu une innovation pour les femmes à l'époque, de pouvoir passer le permis de conduire. Elle était présente sur le front, et c'est là qu'elle a pu développer quelque chose de très important en matière de la science et de la médecine, c'est-à-dire la radiologie. Et c'est vrai que beaucoup de blessés ont dû faire des radios. Alors aujourd'hui, quand on va à l'hôpital de Remiremont pour faire une radio, c'est assez connu, mais à l'époque, c'était une vraie innovation. Et ça, c'est dû à une femme sur les champs de bataille, à Marie Curie, qui a provoqué ça. Une autre femme, peut-être un petit peu moins connue, une autre Marie Marvin, qui est une des plus grandes aviatrices de l'histoire de France, une des premières aviatrices aussi, et qui avait développé notamment un avion ambulance pour pouvoir peut-être aller chercher les blessés dans des endroits un petit peu incertains. Bref, qu'elles soient connues ou beaucoup moins connues, les femmes, évidemment, ont eu un rôle absolument essentiel au cours de ce premier conflit mondial. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à saluer pour elle aussi la mémoire de cette Première Guerre mondiale et de ce 11 novembre 1918. Et parce que je parle de femmes aussi et que je parle de mémoire, et même si elle n'était évidemment pas née au moment de ce 11 novembre 1918, mais je ne pouvais pas faire ce discours aujourd'hui sans saluer la mémoire d'une grande dame de Remiremont qui vient malheureusement de nous quitter il y a quelques jours. Je pense évidemment à madame Irène Morel, qui était présente régulièrement lors de nos cérémonies patriotiques. Irène Morel était très connue en tant qu'aumônière militaire. Elle avait 91 ans et elle était arrivée un petit peu à bout de force et à la fin de son chemin de vie. Et c'est vrai que certains d'entre nous, nous étions présents à ses obsèques hier à l'abbatiale de Remiremont. Et je tenais aussi, en ce 11 novembre, à dédier cette commémoration à la mémoire de cette grande dame, très grande dame, que fut madame Irène Morel, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques jours de cela. Alors pour conclure mon propos, saluer évidemment à nouveau toutes celles et ceux qui sont présents, et j'ai oublié de citer aussi la présence de monsieur le conseiller régional Pierre-François, qui était présent à nos côtés depuis le début de la cérémonie, et je m'en excuse de l'avoir oublié dans la présentation du protocole. Je tenais à vous remercier toutes et tous d'être présents. On est vraiment extrêmement nombreux. Je discute avec certains maires dans les Vosges et même d'autres départements. Ils nous disent on a un petit peu de mal le 11 novembre parce qu'on se retrouve à 3, à 4, à 5. Aujourd'hui, on était largement plus d'une centaine. On est largement plus d'une centaine ici dans le grand salon de l'hôtel de ville. Et c'est vraiment important de se souvenir de toutes celles et de tous ceux qui ont vécu ces moments absolument décisifs, qui se sont battus pour faire en sorte que nous vivions encore aujourd'hui et pour longtemps dans un pays de démocratie et dans un pays de liberté. Alors pour conclure, mes chers amis, vive la République, vive la France, vive les Vosges et vive Remiremont. Sonnerie réglementaire par les clairons de la garde républicaine. Le réveil. L'appel. La soupe. Le rassemblement. L'extinction des feux. Garde à vous. Batterie et sonnerie réglementaire par les tambours éclairants de la garde républicaine. Au drapeau. Chant. Fermez le banc. Rappel de pied ferme. morts. Marche réglementaire utilisée dans l'armée française. Cybercriminalité, Épinal. Le père de Sébastien Raoul perquisitionné et auditionné. Ce mercredi, le domicile du père de Sébastien Raoul a été perquisitionné dans le cadre d'une enquête française qui soupçonne le jeune homme, détenu au Maroc et sous le coup d'une extradition vers les États-Unis, d'avoir fait du phishing. Phishing. What is it? Entre 2019 et 2020. Le père a l'espoir d'une demande d'extradition vers la France, qu'une demande d'extradition soit faite. Alors, voilà. Il espère, le père, que son fils sera jugé en France, puisque les faits qui lui sont reprochés sont censés s'être passés en France. Donc, alors, quinquennat Macron, tiens, on change de... Bon. Quinquennat Macron 2017-2022, affaire des eurodéputés du Modem, affaire Bayrou, Benalla, Bridet, Buzyn, Agnès, Darmanin, De Rugy, Delevoye, De Sarnez, affaire Dupont-Moretti, affaire Dussopt, Ferrand ou affaire des mutuelles de Bretagne, Flessel, Goulard, Griset, Hulot, Nessen, Colère, affaire Labide, Le Cornu, Le Gendre, affaire Maillard, Pandora Papers, affaire des trésoriers du Modem, affaire Mercier Nardella, affaire Pénicaud dans Affaire Business France, affaire Solaire, Paradise Papers 2017, Pandora Papers 2021. Et voilà, voilà, voilà, voilà. Un homme qui va donner du travail à la justice quand il aura fini son mandat. Hein? Eh oui, bon, on vote. Eh oui, on vote pas, on sait pas toujours pour qui on vote. Eh oui, on peut pas deviner l'avenir. Un speed dating pour pallier la crise de transmission des entreprises. Speed dating. Alors, quelqu'un qui a ajouté au-dessus, Franz Zisch. Interdit sur les routes allemandes, les chars lorrains prendront le train. Voilà, annoncé mi-octobre, le déploiement des chars Leclerc-Lorrain sur le flanc est de l'Europe en Roumanie a pris du retard. Il ne devrait pas partir que dans les jours qui viennent. La faute à la réglementation allemande qui oblige les chars à emprunter la voie ferroviaire plutôt que routière. La réglementation allemande, mais comment ils transportaient leurs chars en France dans les années 40 ? Hein? Ah oui, on a signé l'armistice, mais le traité de paix entre la France et ses alliés et l'Allemagne, il a été signé quand, le traité de paix? Ben, il n'a jamais été signé, hein. Eh non, non, non, pour l'instant, c'est un armistice, voilà. Les fusillés, pour exemple, 1914-1918, il est difficile de représenter, même à un siècle de distance, l'horreur et les privations vécues par les soldats envoyés au front. 19 millions de personnes y ont perdu la vie, dont 1,4 million pour la France. Pour ne donner qu'un exemple, les 300 jours de la bataille de Verdun en 1916 ont tué 300 000 hommes, l'équivalent d'une ville comme Nantes, et en ont blessé 400 000 autres. Un véritable déluge de feu, plus de 50 millions d'obus de tout calibre, s'est abattu sur un espace grand de quelques dizaines de kilomètres carrés. La bataille de la Somme fit 4 fois plus de victimes et en 2 fois moins de temps. Alors pourquoi ne parle-t-on pas plus de la bataille de la Somme ? Eh bien parce que la bataille de la Somme s'est passée essentiellement entre bon, des Français, mais essentiellement des Anglais et leurs alliés contre les Allemands. Voilà. Et puis, eh bien, à Verdun, il y avait le futur maréchal Pétain. Voilà. Alors donc, on parle d'une bataille et pas de l'autre. Voilà. Bon, c'est très grave dans les deux cas. Hein, ça fait beaucoup, beaucoup de morts. Pourquoi ? Pour qui ? Des profs manquent encore à l'appel. Alors, éducation, c'était dimanche 13 novembre. Voilà, il manque encore. Tout va bien en France. Il y a 6 millions de chômeurs, etc. Oui, tout va bien. Vous continuez à voter comme ça, les Français. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, les Français sont braves. Les Français, ils sont intelligents. Les Français sont... Oui, oui, oui, oui, oui. Bon, il y a eu 2% des Français, peut-être, qui ont fait de la résistance. Et la collaboration, combien ? 5, 6, 7% ? Hein ? Oui. Et maintenant, la mentalité des Français de maintenant n'a plus rien à voir avec les Français de l'époque. Hein. Les circonstances sont radicalement différentes, alors forcément. Hein. Conquête sociale de la France, 1864, droit de grève, 1884, droit syndical, 1887, première bourse du travail, 1910, journée de travail de 10 heures, retraite à 65 ans. Journée de travail de 10 heures, retraite à 65 ans, 1910. 1919, journée de travail de 8 heures, semaine de 48 heures. 1928, assurance maladie. 1936, délégué du personnel, congé payé 15 jours. 15 jours de congé payé, semaine de 40 heures. Convention collective, en 1936. 1942-41, comité sociaux d'établissement, minimum vieillesse, retraite par répartition, salaire minimum, nationalisation des caisses d'assurance santé. 1942, médecine du travail obligatoire. 1945, comité d'entreprise, sécurité sociale. 1946, statut de la fonction publique, généralisation de la médecine du travail. Il y a des trucs pour lesquels je suis pas tout à fait sûr que mon papier soit absolument exact. Hein, voilà. C'est à vérifier quand même. 1950, salaire minimum interprofessionnel, garanti SMIC. 1956, troisième semaine de congés payés. 1958, assurance chômage. 1969, quatrième semaine de congés payés. 1971, formation professionnelle continue. 1975, assurance vieillesse pour tous. 1982, cinquième semaine de congés payés, semaine de 39 heures. 1983, retraite à 60 ans. 1998, semaine de 35 heures. Voilà, donc il faudra recreuser 1945-46 parce qu'il y a apparemment il y a eu des oublis dans mon papier, hein, mais bon, voilà. Je lis tel que je l'ai trouvé. Castex à la RATP. Ah oui, il était nommé directeur de la RATP. Castex, vous savez, l'ancien Premier ministre. Ah, vous l'aviez déjà oublié, hein. Vous voyez, hein. Alors, lui, avec sa serviette à la main, PDG RATP, il met une pièce de monnaie dans l'assiette, dans la sébille d'un gars qui fait la cloche dans le métro. Alors, Castex, il dit, c'est grâce à Macron que je suis ici. Et le gars qui fait la cloche, hein, qui met pour manger, s'il vous plaît, alors il répond, moi aussi. D'après une étude récente, si Hanouna arrêtait la télé, le QI moyen en France augmenterait de 44 points. Oh, oh, oh, oh que c'est méchant. D'après une étude récente, si Hanouna arrêtait la télé, le QI moyen en France augmenterait de 44 points. Eh oui, eh oui. Ah ben les radios libres ont fait avancer le QI moyen du français moyen, hein. Ouais, pas comme la télé. Heureusement. Cyril Hanouna insulte copieusement un élu. Invité jeudi soir sur le plateau de Touche pas à mon poste, le député insoumis Louis Boyard, on en retenir, a dénoncé les agissements présumés du groupe Bolloré en Afrique, ce qui n'a pas plu à Cyril Hanouna, présentateur vedette de C8, propriété du milliardaire. Alors là, ça c'est bien, hein. Oui, Louis Boyard, c'est quelqu'un de courageux, bien. Bravo les jeunes. Eh oui, les jeunes, ils vont prendre la relève des anciens qui sont fatigués, qui n'ont jamais eu beaucoup de courage, ou pas assez, ou qui n'en ont plus, hein. Eh oui. Voilà. Alors, un ordre à tenir. Cyril Hanouna, donc, une affaire judiciaire qui va nous étonner, nous épater, nous montrer que la justice est capable d'être très juste. Voilà. Attendons le résultat. Alors, Philippe Guillemot, parachutage au cœur de l'opération Leuthen. En 1944, des commandos de l'OSS étaient parachutés sur les Vosges pour créer une base de soutien et perturber les arrières lignes allemandes. Un passionné de Réchicourt-le-Château, ancien du 13e RDP de Dieuze, a écrit un ouvrage historique sur cette poignée de héros et la population qui les a aidés. Antisémitisme, les velléités des députés RN indignes. Le RN se sert de l'antisémitisme comme d'un marchepied politique. C'est honteux, honteux, honteux. Alors, tiens, pourquoi les Français n'ont-ils pas confiance dans l'industrie pharmaceutique? C'est un peu pour ça. Le scandale du Lancet, celui du Remdesivir, le Tamiflu, le Levothyrox, le Distilbène, l'hormone de croissance, le scandale du chlordécone, le scandale du sang contaminé, l'isoméride, Mediator, la dépakine, les vaccins H1N1, le Vioxx, le scandale du Diane 35, le scandale du thalidomide, le scandale du cérivastatine. Voilà, voilà, voilà. Hein? Alors on a confiance. Oui, on a confiance. Oui, bon, on votera bien la prochaine fois. Hein? Ah oui, c'est promis, cette fois-ci, on votera bien. Oui. On deviendra des Français supérieurement intelligents. Eh oui. Alors, diplomatie, Biden, Xi Jinping, vers une coopération, point d'interrogation. Le président américain Joe Biden a atterri dimanche sur l'île indonésienne de Bali pour le sommet du G20, qui rassemble les plus grandes économies mondiales. Sa participation au sommet sera précédée, ce lundi, par une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping. Voilà. Allez, ben, on verra le résultat, hein ?